you never met. But girl, I work on that. Even on me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. We can always play by ear. And that's the deal, my dear. On termine cette émission avec Kenji. Mais pas seulement, parce qu'avant ça, on aura encore une séquence best-of du 6-9 pour vous mettre évidemment de bonne humeur. Cette séquence, c'est Marco qui a sélectionné une série de SMS et il les a lus avec ce qu'il a écrit et puis à côté de ça, ce que la personne a vraiment voulu dire. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, c'est pas grave, vous allez écouter et ce sera beaucoup plus simple, vous allez beaucoup mieux comprendre ce que j'essaie de vous expliquer. Nous, en tout cas, eh ben, on se retrouve demain pour le dernier jour de la semaine. Déjà, ça passe vite. Excellente journée d'ici là. Le 6-9. 6h-9h. 6h-9h. Sur Énergie. On va faire les SMS de ce qu'on dit quand on est en couple versus la réalité de ce qu'on pense. C'est vrai que des fois en couple, on envoie des trucs et on pense tout autre chose. Si par exemple, je vous dis, on imagine c'est ta nana qui t'envoie ça. Tu fais la gueule? Tu réponds non. Évidemment. Réalité. Tu fais la gueule? Évidemment. C'est tellement vrai. Mais oui. Et souvent le nom, pardon, excuse-moi, le nom, il y a vraiment le point, tu sais, oui. Le point, fin de la phrase. Ouais. Fin du dialogue. Celui-là, il est pas mal. Petit SMS qu'on imagine, vous envoyez à votre copine ou à votre copain. Ça te saoule pas si Camille et Cécile passent à la maison ce soir? Réalité. Je les ai déjà invités, hein, donc voilà. C'est vrai, ta nana te demande un truc qui est déjà fait. Oui, c'est ça. Ça te dérange pas? De toute façon, même si tu me disais non, c'est trop tard. C'est vraiment ça. Attention, celui-là, il est mignon, c'est de la mignonnade. C'est ta femme qui te dit ça. J'ai envie de me blottir dans tes bras. Mytho. Réalité. Ça caille, j'ai froid. Quand on allume le chauffage. Ah, c'est vraiment ça. Arrêtez, ma femme m'a parlé de ça hier. On rallumerait pas. J'ai dit, non, attends un petit peu. Mais t'attends quoi? Qu'il fasse moins 10. Ouais, c'est ça. Mets une doudoune. Mais c'est vrai, il est encore un peu tôt, mais c'est vrai que ça caille en ce moment, vraiment. Petit SMS, on imagine. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, la fille ou le garçon qui envoie ça. Vous êtes en couple. Elle vient quand déjà, ta mère? Ça pue. Ça pue, ça. Quand on commence à parler de belle-mère, ça pue. Réalité. Ouais, il va falloir que je m'organise, hein, parce qu'il faut que je me barre ce week-end. Oh, c'est tellement méchant. Moi, j'aime bien ma belle-mère. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Tout le monde est bien avec ses parents. Moi aussi. Ouais. Vous êtes tous des faux culs. Ah là là. Oh, celui-là, il est mignon. Le fameux je t'aime. Je t'aime. Et l'autre qui répond, moi aussi. Réalité. Je t'aime. Ouais, enfin moi bof bof, mais j'ai la flemme de te larguer, donc je te dis moi aussi. C'est violent ça. Celui-là il est violent. Mais c'est vrai, il faut jamais répondre moi aussi. Faut dire je t'aime aussi. C'est vrai. Plus fort que toi. On vient à la Franck Dubosc. Moi aussi, trois petits points, je m'aime. Le pire c'est quand on te répond merci. Ah mais alors là, moi j'envoie je t'aime à nanana qui me répond merci. Ouais, peut-être tu vas dormir sur le canapé ce soir. Allez, le petit dernier. Oh, celui-là il est pépite, je vous le dis. SMS envoyé. Ouais, je suis avec la bande là, chez David, rendu posé, tranquille, voilà. Réalité de la chose. On picole comme des trous sans épaisser des pizzas. Surtout, ne m'attends pas. Ah, c'est vrai aussi. C'est du vécu, ouais. Ça y est, c'est du vécu. Et on a la version féminine. Hein. Je vais en soirée avec les copines, je serai là à 23h. Bisous. Et la vie, en fait, réalité, hein, c'est je vais rentrer complètement bourré, tu seras réveillé par ma douce haleine de poney. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Nous sommes le jeudi 25 octobre, il est 6h pétante. Bonjour. Bonjour. Nous avons ce qu'il vous faut pour vous sortir du lit ce matin. On espère que tout va bien, c'est jeudi, l'avant-dernière avant les vacances. Tout le monde est là, les fifous du matin sont là, il y a Tiffany au standard. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour belle lionne. Fais-nous un cri de lion. Oh, quel objet. Frisco est là aussi ce matin. Bonjour mon poulet. Bonjour. Tu peux pas me faire plus plaisir que de mettre cette chanson pour commencer l'émission. Ça c'est étonnant. C'est bonheur ça. Ah, il là, mais une journée comme ça doit. J'ai la banane, direct. On commence avec ça, on finit avec Hakuna Matata. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Que demande le peuple? Il y a Jérém aussi qui est là ce matin. Tu fais bien, non? On dirait un chat de gouttière. Ouais, ça va, ça va. J'ai essayé. Bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a Aurélie de la Reine qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour. Oh, qui a remis un revêtement panthère. Non, c'est des chevaux. Des chevaux. Mais il y en a tellement qu'on dirait un peu. Il est un peu malade le cheval là quand même. Non mais je remarque qu'on est très fort en imitation d'animaux dans cette équipe. On pourrait faire une ferme sans problème. La ferme du 6-9. Voilà. Aurélie de la Reine avec un petit point sur la météo aujourd'hui. Alors aujourd'hui le temps sera généralement sec. On aura de petites éclaircies, des nuages. Côté température entre 10 et 14 degrés. Eh oui, l'hiver arrive. Oui. Comme ça, depuis lundi, d'un seul coup, je trouve que le temps a radicalement changé. Quoi. Ah, c'est dur de sortir de son lit. Hein. Toi-même, tu sais. Hein. Oh, là, ça pique, ça fait froid. On commence à parler de neige, les gars. Non. Allez, c'est pas vrai. Allez, on enchaîne. Petit hit. Ouais, cette émission commençait bien. Arrêtons de parler de neige. Suffit. Moi, j'aime bien la neige. Benny Blanco, on va moins kiffer quand on va devoir se lever une demi-heure plus tôt pour affronter la neige. On va beaucoup moins kiffer. Mais bon, voilà, on sera dans la même galère que vous au final. Dinoro qui va arriver côté tout de suite. On a Benny Blanco aussi. Et dans un instant, on fait la chasse au pipo. De quoi? Blanco comme la neige. Neige Blanco, non? Ça, c'est 5 euros, ça. Ça démarre fort. Allez, hop, 5 euros. J'ai une revendication, tu dois mettre aussi des sous de hier. Hein. Oui, c'est vrai. Pour ton retard, hier. On avait dit. Il oublie. 5 euros, allez, je te donne 5 euros. 1 euro. Symbolique. Ça c'est tout. 10 euros. C'est ce qui arrive maintenant sur Énergie. 6h03, bienvenue. Dans la suite des hits sur Énergie, 6h05, bienvenue tout le monde, bon réveil avec nos Celsius 69 qui est là. On va se faire une petite chasse au pipo. Ouais. Pipo. Tout le monde voit cette scène ou pas dans Les Visiteurs avec Jacouille? Ouais. C'est pour ça que je fais ça en fait, quand il est au téléphone avec je sais plus qui. La chasse au pipo. Non mais c'est encore une honte, j'ai jamais vu Les Visiteurs. Oh non. Oh le Si, je connais 5 euros. Mais non. Vas-y, le mec, il met 5 euros à tout va. Allez, c'est la porte ouverte à toutes les. Ça, c'est incroyable. T'as jamais vu les visiteurs. Mais ouais, mais je suis pas très cinéphile en fait. Il faut pas être cinéphile pour regarder les visiteurs. Ouais, mais j'ai pas vu plein de classiques et pourtant j'ai vu des films que tu connais même pas. Vas-y. Mais les visiteurs, quoi. Mais non, mais je connais l'histoire, etc. Mais j'ai jamais vu. Excusez-moi, désolé les gars. Alors, sorry. T'as une mission la semaine prochaine, t'es en congé, tu dois regarder au moins le 1. Et le 2, ça va, je regarderai. Le 1 et 2, promis. Et t'as vu Star Wars aussi? Non. Vas-y, la semaine prochaine, il y a 6 épisodes. Enfin, 8. Mec, il va passer ses vacances à rattraper tout au niveau des films. Et j'ai pas vu Les Parrains aussi. Waouh, super. Une petite chasse au pipeau. En gros, chacun va donner une petite version de lui-même, une petite phrase, une action ou une vérité qu'il voudrait nous confier ce matin. Et nous allons devoir deviner si c'est un pipeau ou une vérité, tout simplement. Ok. Jérémy, okay. À toi de commencer. Alors, hier soir, j'étais boire un verre avec des amis et je suis rentré pas trop tard. Et il y avait encore du foot à la télé. Et ma nana, elle regardait la télé et elle a regardé le foot avec moi. Je l'ai obligé de changer de poste et on a regardé le foot ensemble. Pipeau. Ouais, pipeau à mort. Pipeau. Ta nana qui regarde le foot tout mais seul. Mais oui, pipeau. En t'attendant. Ouais, c'est vrai, je suis rentré, elle a continué à regarder sa série. De toute façon, je suis rentré trop tard pour regarder la télé. C'est un canard, j'irais. Ça va, ma chérie, tu veux. Oh non, regarde ta série, t'inquiète. Hey, faut que je rajoute un FX de. Quoi ? Quoi ? Point, point, point. Tiffany du Standard. Ouais, hier soir, j'ai été me balader dans mon quartier. Et oh, alors... pipeau ! Pipeau ! La meuf, elle s'endort à 20h30. Mais ouais, tu sais quoi ? Pipeau. Ouais, c'était pipeau. On sait même pas ce qu'elle a même pas fini, quoi. C'est hallucinant, vous m'avez même pas laissé terminer. Oh, pardon. Merci, c'était bien. Non, vas-y, attends, moi je veux savoir la suite pour voir si c'était vraiment absurde. Oh non, c'était, j'avais trouvé un chien et puis je l'avais recueilli et donc aujourd'hui il fallait que j'aille acheter des croquettes. Ah oui, toi tu vas loin quand même. Un gros pipeau, quoi. Ah ouais, meuf, elle te paie. Et hier j'étais sur la lune, tu vois. Mais j'en fais un fake de life. Hein. Non, c'est bon. Très bien, Frisco. Alors, j'ai accusé une voiture dans un parking à Paris d'avoir fait une griffe sur la voiture de mes parents alors que c'était moi qui l'avais fait. Oula ! C'est vrai. Ça, ouais, ça... Moi, je dis pipeau. Non, c'est pas pipeau. C'est pour que j'ai vraiment fait ça. Quoi ? Ouais. Oh là là ! J'ai fait une énorme griffe dans la voiture de mes parents en venant justement à la radio dans le parking. Et genre, ils l'avaient pas vu. Le lendemain, on allait à Paris. Et donc, ils n'ont toujours rien vu. Et en revenant après la journée à Paris, je fais « Oh, la voiture !» etc. Il y avait une énorme griffe. Et donc, on a été voir le concierge, entre guillemets, du parking pour voir si on pouvait avoir les caméras de surveillance, sauf qu'il nous a dit que c'était interdit. Et du coup, ben voilà. Et donc, t'as accusé un Parisien ? J'ai accusé, ouais, bah, évidemment. Oh, t'as bien fait. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai accusé un mec dans le parking. Accusé voilà. À tort. À tort, parce Bravo. Que c'était moi qui l'avais fait. Mais depuis, je l'ai dit à mes parents, hein, ils m'ont rien dit. Hein. Ah, ben j'espère bien. Mais ouais, je l'ai fait. Pipo, chasse au pipo. Alors moi, vous savez, je suis à fond dans foot en ce moment, le mode ouais. Ultimate Team de FIFA. Ouais. Les gars, hier soir, quelle n'est pas ma surprise quand j'ouvre un pack et que j'ai un Cristiano Ronaldo. Pipo. C'est pipo, ouais. Malheureusement, pipo. C'est un pipo. Mec, j'ai un Cristiano Ronaldo, je suis absent, je suis déjà en vacances, j'arrête ouais, tout. Tu m'aurais appelé. C'est comme si t'avais gagné. C'est comme si t'avais gagné l'euro million. Ouais. Tu aurais pu. Non. Non. Non, c'est pas la même chose. I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much. And he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with the sun all set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day, you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere, we won't drive down to the coast. Jump in the sea, just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Starting a life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. Magnifique duo Ashley Khalid, Benny Blanco sur Énergie. She used to meet me on the east side, city where the sun don't set. 6h11, dans un instant, un nouveau duo. Il va être aussi tout pépite, Martin Garrix et Khalid. Avec nous, bon réveil sur Énergie, c'est le 6-9. On va jouer au devine qui c'est dans un instant. Un fufou qui va venir et qui va nous faire deviner qui il est au téléphone. On a une minute, on doit poser des questions. Il ne peut répondre que par oui, ouais, ou que par non. Il sera une personnalité incarnée ce matin. Oh. On joue à ça dans un petit instant. Et là, il y a de l'iPhone XR, c'est l'avant-dernier pour vous. Oui, oui, oui. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. Après, on ferme la boutique, les copains. C'est les deux derniers iPhone qu'on a pour vous. iPhone XR, offert par Orange et Énergie, qui vous régale. Vous l'aurez en plus avant tout le monde, puisque Orange viendra demain, ouais, pour notre émission publique. Ils viendront apporter les GSM. Et vous pourrez donc repartir avec le tout nouvel iPhone XR pour chez vous. Une petite pépite. Hein. Je sympa. Hein. Franchement, ça m'énerve. Je suis très content de faire cette émission. Mais il y a un truc pour lequel je suis moins content, c'est mes finances. Dès qu'on offre un truc, ça me donne envie. Oui. On a offert Parc Astérix. Eh ben, j'ai réservé Parc Astérix. On a offert un voyage. Ça, heureusement, c'était beaucoup trop cher pour la semaine prochaine, donc j'ai pas pu. Mais je vous jure, à chaque fois. Et là, je crois que oui, comme je reste ici la semaine prochaine, mon avis, allez voir pour l'iPhone. Non. Tu vas craquer l'iPhone. Je pense bien. C'est pratiquement 1000 balles. Oui, bah, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je te dise? iPhone XR pour chez vous ce matin. On vous l'offre carrément 2 euros. Ça va vous coûter pas plus cette histoire. Donc, c'est franchement pas cher pour un GSM. Vous envoyez faux. Tout simplement le mot code phone par SMS au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Et l'iPhone XR, on vous l'offre à 9h, on vous appelle. Tiffany composera votre numéro, elle a un doigté magique et en plus elle monte ses doigts, on fait de la radio chouchou. Et on vous appelle à 9h, phone par SMS au 78, bonne chance. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music only. Attention, l'envie d'une nouvelle cuisine Ego peut vous jouer des tours. Bon, allez Marie, on reprend, silence tout le monde. Maître Corbeau sur un beau frigo perché tenait en son bec un robinet mitigeur. Marie. Maître Renard par l'odeur allégée. Stop. Marie, mais qu'est-ce qui t'arrive? L'envie d'une nouvelle cuisine ne vous quitte plus? Confiez votre projet à Ego. En ce moment, montage gratuit de votre cuisine et un électro au choix offert. Ego. La cuisine de ma vie. Ouvert ce dimanche. Vous avez une cabane de jardin? Dans ce cas, vous êtes probablement l'heureux propriétaire d'une brouette cassée, d'un vieux skateboard ou d'un ballon de foot tout crevé. Oui, l'heureux propriétaire. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Bref, une petite recherche dans votre cabane peut vous faire profiter bientôt d'une voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Tiens, les jours Fnac, c'est quoi? Ben, ce sont des journées avec des réductions allant jusqu'à 30% dans tous les rayons Fnac. 30%? 30%. Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Halloween à Walibi, c'est une journée Halloween en famille. Et à 18h... Ça fait vraiment peur! Halloween! Halloween à Walibi. Enjoy the day. Fear the night. Info et tickets, walibi.be. Pour Hans Anders, les prix abordables, c'est essentiel. Mais que font les autres avec tout l'argent qu'ils vous demandent? Si ça tombe, ils feront intervertir les mots avec et sans dans le dictionnaire. Et quand vous demanderez un curry sans noix de cajou, on vous le servira avec, alors que vous êtes allergique. Votre tête doublera de volume et vous devrez acheter de nouvelles lunettes. Quoi? J'exagère? Bon, peut-être. Mais vous prendriez le risque? Alors que chez Hans Anders, on vous offre les verres gratuits à l'achat de vos montures. Plus d'infos sur hansanders.be. Hans Anders, l'opticien pas comme les autres. On joue au devine qui c'est dans un petit instant sur Énergie. Avant ça, 6h15, un point sur les routes ce matin, Aurélie. Un accident s'est produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Jette. Vous perdez 24 minutes à partir de Grand Bigard. Sinon, un autre accident s'est produit cette fois sur le 40 à hauteur de Barchon. Ça se passe dans les deux sens. La bande de gauche est bloquée. Et puis au sud du pays, vous ralentissez déjà. Comptez 28 minutes supplémentaires entre Stockheim et Sterpenich. If you're so it, taking love, we'll come for you for sure. If we're caught in a wave, I will carry over. It don't matter where you are, I'll run to your front door. When my head goes in different directions, you don't have to question if I'm around where we are. You could put an ocean between our love, love, love. It will keep us apart. You could build a wall, I will run it up, up, up. Just to get to your heart. If we're caught in a wave, maybe we'll keep us apart. The Weeknd qui va arriver dans un instant. On a du Bassada aussi pour vous côté hit ce matin. On va jouer ensemble avant ça un petit jeu que j'aime bien. C'est le devine qui c'est. C'est un fifou qui va venir et qui va devoir nous faire deviner quelle personnalité il est. Ouais. Et c'est Ronald que nous avons avec nous ce matin. Oui, Ronald qui lui a l'habitude de se lever tôt hein, puisqu'il travaille comme facteur du côté de Tournai. Ah. Il est marié et il a trois enfants, Adèle, Mathias et Charlize, comme Charlize Theron. Il aime le sport, il pratique de tout d'ailleurs, le foot, le tennis, le ping-pong, hein, tout ça, tout ça. Et en ce moment, il regarde la série La Casa des Papel. Ah, sympa. Bonjour Ronald. Salut les tifous. Salut. Ça va très bien et toi mon Ronald? Très bien, merci. En pleine forme ce matin? C'est ce que je pensais. Ouais. Ronald, on va jouer ensemble. C'est toi qui vas jouer avec nous ce matin puisque tu as une personnalité qu'on t'a donnée. C'est Thomas, notre stagiaire, qui te l'a donnée glissée dans l'oreille. C'est pour rien nous dire. Hein? Ah non, c'était pour rien nous dire, quoi. Ah oui, forcément, c'est le jeu. C'est le concept du jeu, c'est de devoir deviner qui tu es, mon cher Ronald. Il faudra répondre aux questions que par oui ou par non. Et alors, j'ai envie qu'on fasse un truc ce matin. Ouais. Je veux pas envie qu'on en choisisse un. J'ai envie que chacun, notre tour, on puisse poser une question. Mais alors, du coup, s'il vous plaît, écoutez les réponses et tout. Enfin, il faut que ça se construise. Le but, c'est qu'on trouve, tu vois. Donc, il faut de la cohésion entre vous. Exactement. Voilà. C'est une espèce de on est team building. C'est un team building. C'est un team building en direct. 6h20, on est parti, mon Ronald. On joue une minute. On te pose toutes les questions et donc on doit deviner qui tu es. Vous êtes prêts, l'équipe ? C'est parti. Ouais, c'est parti. Alors, est-ce que tu es une fille ou un gars ? Oui. Oui, c'est une fille. Est-ce que tu es chanteuse ? Oui. Jérém ? Est-ce que tu es blonde ? Oui. Aurélie de la Lac ? Est-ce que tu es américaine ? Non. Ah. Est-ce que tu es européenne ? Non. Oula. Et une blonde africaine ? Non. Louane ? Mais non, européenne, pas européenne, bah oui, mais bon, une blonde. Une blonde. Non. Aurélie de la Rédac. Est-ce que tu es australienne ? Non. Est-ce que tu es entre 20 et 30 ans ? Non. Est-ce que tu passes sur énergie ? Ta musique passe sur énergie ou pas ? Oui. Cardi B. Mince. Est-ce que tu es américaine ? Ouais, j'ai demandé, c'est oui, non, elle n'est pas américaine. Canadienne ? Oh non, c'est pas possible. On a fait tous les continents. Elle vient d'où, celle-là ? Amérique du Sud. Pas possible, pas possible. Oh, c'était Shakira. C'est ça ? Oui. C'était Shakira. Oh zut. Oui. Mais tu savais pas dire plus tôt. Oh là là. Bon, tu sais quoi, on t'offre quand même la dernière compile, mon Ronald, parce qu'on a été très mauvais sur ce coup-là. Mais Shakira, elle est quoi ? Elle est colombienne. Elle est colombienne. Elle est pas espagnole. Non, elle sort avec Gérard Piqué, mais c'est tout. Ah mais bon, voilà, moi, je prends la dernière adresse qu'elle a, c'est l'Espagne. Hein. Désolé. Non, mais voilà, on t'offre la dernière compile quand même, Ronald, pour nous pardonner de notre. Oui, c'est ça. On a été mauvais. Oui. Un grand merci à tous. Avec plaisir, merci, Ronald. Belle journée. Bisous. À toi. Salut, Ronald. Bonne journée. Bisous. Allez, salut. Bisous. Passe une belle journée. 6h22 sur Énergie. Calmez-vous, les filles. Ne sortez pas les fouets, rangez le matos. Ouais, c'est une des BO du film 50 nuances de Grey, c'est The Weeknd sur Energy. You make it look like it's magic, don't you? 'Cause I see nobody but you. I'm never confused. Hey, and I'm so used to being used. So we live with no lies. Hey, you're my favorite kind of night. Girl, you're perfect. Always worth it. if they say you're out of place. Don't be afraid to make a few mistakes. There's always gonna be another way. We're all just on a spinning rock in space. Losing myself tonight, leaving the day behind. I'm broke but I don't mind, it's alright. Working a 9 to 5, I've only got one life. So I hate to waste any time, I'm all about the goodbyes. Cette semaine, on a de la chance, on a du concombre dans notre plat pays, les copains. Et de la pépite. C'est vrai? Oh là, je crois qu'on a même le concombre de l'année, les concombres de l'année. Le awards des concombres de l'année est décerné dans un instant. C'est chez nous en plus que ça se passe pas loin de chez toi, mon frisco. Ah, je pense que j'ai vu cette info. Beaucoup l'ont vu, à mon avis. Oui, on parle oui. de ça après Dimitri Vegas et Like Mike, les concombres de la semaine qui arrivent. Et puis plein de bonnes choses encore avec vous aujourd'hui. Il y aura les sondages un peu plus tard dans l'émission. Soyez les bienvenus. I wish Avec la carte Cora, 21% de remise sur un jouet au choix. Et comme il y en a 3600, vous avez vraiment le choix. Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. 6h30 sur Energy, à suivre les concons de la semaine. Dimitri Vegas et Like Mike qui arrivent. Et là, un point sur la météo pour aujourd'hui. Le temps sera généralement sec aujourd'hui. On aura de timides éclaircies, mais aussi des nuages. Côté température, entre 10 et 14 degrés. Pour nous informer sur l'actu de ce jeudi 25 octobre, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les empreintes digitales arrivent sur nos cartes d'identité. La commission de l'intérieur de la Chambre a approuvé le projet de loi sur le registre national. La mesure entrera en vigueur à partir de 2019. Il faudra 10 ans pour renouveler les cartes d'identité de tous les Belges. Les empreintes, elles se trouveront sur la puce de la carte. Rassurez-vous, ça ne sera pas comme dans les films, hein. Vous n'aurez pas d'encre partout. En fait, les empreintes de vos index seront tout simplement numérisées. Côté prix, rien ne devrait changer. Les syndicats des enseignants veulent se faire entendre les négociations. Pardon ? Alors ? Vila miaou ! Ah oui, mais là, c'est pire qu'un chat, hein. C'est un tigre. Donc, je disais, les syndicats des enseignants veulent se faire entendre. Les négociations sectorielles vont bientôt commencer. Du coup, les syndicats préparent leurs revendications. Parmi elles, un salaire plus élevé pour les profs qui débutent, une mesure qui permettrait d'éviter les départs fréquents en début de carrière. On passe au sport en football. Le Bruges a pris son tout premier point hier lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont fini sur un partage 1-1 face à Monaco. Autre résultat de la soirée, le Barça qui a battu l'Inter 2-0. Le monde les attend. Non, Richard, n'exagère pas. Pas quoi ? La Belgique les attend. Et encore, hein ? Ils ont été élus pour réveiller la Belgique tout entière. On s'éloigne là, Richard. Des radios réveil humains programmés pour vous réveiller chaque matin dès 6h. Là, tu t'emballes. Bah quoi alors ? Bah, c'est juste le 6-9 sur Énergie. Hein, Richard ? Chaque jour comme ça, 6h33, bonjour. L'équipe est là, les fifous sont là ce matin. Venez nous rejoindre, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. On fera un live Facebook d'ailleurs tout à l'heure, ouais. Avec un défi ce matin, il y en a un qui va devenir un bonhomme de neige. Oh là là, ça va être énorme. Trees. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills. And buy my mama house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. I'ma always always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they can make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cars, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing now. Louis Fancy avec Calypso, c'est la suite des hits et du équilibre aussi des petits plats. Nous on brûle des bouteilles, équilibré. Nous on veut de l'oseille, équilibré. Attends le jour de la paix, équilibré. On va les couilles. Eh ben dis donc. Nous on mange des 5 euros dans la cagnotte, non, monsieur Koblak. Il a dit nous on mange des grenouilles. Non, il a dit nous j'aime, on aime bien les nouilles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Koblak qui arrive dans un instant. On a 6h36. Hein, désolé. Voici les concours de la semaine. Tout de suite en Angleterre, qui pour des raisons de santé et de sécurité, un lycée a décidé d'interdire aux élèves le port du sac à dos. Et ils font quand même prendre leur... Bah voilà, telle est la question. Des sacs de toute taille peuvent être utilisés pour apporter des livres, donc style tu viens avec ton sac Lidl, pourquoi pas, ou du matériel d'école, mais les sacs sont pas autorisés pendant les cours au fil de la journée. On les encourage à garder leurs livres à la main. De balader avec tes livres à la main. Ils ont jamais vu des élèves de première secondaire. Et hein. C'est complètement malade. C'est ah oui, moi j'en vois parfois, ils ont leur maison sur le dos. Mais hein. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, il y a un élève de 17 ans qui a décidé de protester, et je suis bien d'accord avec lui, de manière très pacifique, mais avec beaucoup de détermination. Il est venu en cours avec un micro-ondes et il a mis tous ses livres dedans. Avec un micro-ondes. Quel est le rapport? Au cas, mais les Anglais me feront toujours rire. Moi je l'aurais bien fait, au cas où j'aurais un petit creux, tu vois. Ils sont extraordinaires. Si vous êtes sur la route ce matin, et même plus précisément sur l'autoroute, vous pouvez être accusé de conduite dangereuse. C'est un couple espagnol qui a été accusé de ça. À votre avis, pourquoi? Parce que madame faisait une gâterie à monsieur. Oh, même plus, hein. Ils étaient carrément en train d'avoir un rapport. Madame était grimpée sur monsieur. Un coït. J'adore ce mot. C'est quoi un coït? Un coït, ben, c'est l'acte de faire ham-ham. C'est vrai? Ouais. Oh, je connaissais pas. Il aura appris un mot, j'ai bien. Non, non, ce soir, je sais ce que je vais dire à ma femme. Chérie, on fait un coït? Eh ben ouais, ben, il risque quand même jusqu'à 2 ans de prison et 500 euros d'amende. Ah, wow. Ouais, ben, attends, à la vue de tout le monde, c'est pas bien. Hein. Mais non, mais c'est même. Comment il a fait le paye? Elle était sur lui. Comment elle... Attends, chérie, 2 secondes, je passe la deuxième. Mais bouge pas, chou, je vais le faire. En roulant. Mais oui. Mais moi, je pensais que c'était sur un parking. Mais non, calme. En roulant. Ah, je sais, il a les nouvelles voitures, tu sais, qui détectent les bandes et qui restent bien droites sur la route. Pilotage automatique. C'est magique. On part en Savoie. Alors lui, il est magique. Hein. C'est un cambrioleur qui s'est fait interpeller parce qu'il s'est lui-même rendu à la police. Oh. Ah bah oui, mais alors de manière très stupide. Il a été surpris donc en train de cambrioler, sauf que bah, et du coup il s'est barré. Et dans sa fuite, il a oublié son sac à dos qui avait notamment sa carte d'identité dedans. Ah oh, purée, mais qu'est-ce qu'il est con. Du coup, le cambrioleur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement été au commissariat pour déclarer le vol de ses papiers. Et il a porté plainte. Mais non. Vous imaginez bien que la police a fait le rapprochement. Et la personne qui l'avait repéré l'a reconnu, a dit mais non, mais c'est cambriolé lui, qu'est-ce qu'il dit, il est con quoi. On peut peut-être l'inviter mercredi soir à manger. Alors là, ça c'est de la pure folie les gars, je sais pas ça aller dans les infos café ou dans les concons. Entre les deux. C'est complètement fou. Un patient qui souffre de maladie mentale depuis 10 ans a arrêté de prendre ses médicaments et du coup il est parti en carnage total. Il a avalé plus de 122 clous de 10 cm de long. Ils ont extrait 4 punaises, 2 aiguilles, un cure-dent et plusieurs morceaux de verre brisé. C'est un fakir, c'est tout. Oui, il a pas eu. Enfin, quand il allait aux toilettes. Ah, ça devait piquer. Ah, bah oui, il avait un peu. Ça devait c'est piquer. C'est dégueulasse. On finit avec un concon de chez nous. On part à Charleroi. Oh, comme par hasard. The Pépite. Oui, ils ont pas réussi. The Pépite. Qu'est-ce que t'as encore fait, Vrisco? Ce sont les braqueurs les plus idiots du pays, même du monde, je pense, très sincèrement. Je fais un gros big up à Didier, qui est patron d'un commerce à Montigny-sur-Sambre, pour être précis. En fait, il tient un magasin de cigarettes électroniques. Et samedi, ça s'est passé donc le week-end dernier, il y a 6 individus qui sont rentrés dans le magasin. Et puis donc les esprits s'échauffent et tout, ils étaient armés et tout, donc Didier... 6 Ouais, 6, ouais. Et Didier tente de rester... 6 pour un paquet de clopes. Ouais, ouais. il tente de rester calme et il leur dit tout simplement, bon les gars, va falloir que vous reveniez à 18h30 quand la caisse sera remplie. Et trop tôt. Et voilà. Cambrioleurs, ils disent... Il est pas con, oh, c'est vrai, on va revenir après. Et les six se disent la même chose. La même chose, ils sont partis, ils sont revenus en fin de journée. Sauf que vous imaginez bien, la police les attendait de pied ferme. Bonjour, on vient chercher la caisse, on nous a dit que c'était à 18h30. Moi, je vous jure, sans déconner. Non, mais allez, sans déconner. C'est du concon. C'est une brochette de 6 concons là. Là, je vais vous dire, ça fait 2 mois qu'on fait les concons. Pour l'instant, lui, il a la palme. Hein. Il n'y en a pas un des 6 qui s'est dit je crois qu'il y a un piège, les gars. Il nous tend à un piège. Il y a moyen qu'il ait appelé la police, mais je suis pas sûr. Non, les 6 se sont dit bonne idée, c'est chouette. On n'y avait pas pensé. C'est pas vrai. Que Black qui arrive maintenant avec Diana et sur Energy. On écoute ça et on revient juste après. On va parler des pâtes ce matin. Des pâtes à manger. Ah oui, c'est la journée internationale des pâtes aujourd'hui. Terrible. Bambi de wagi me deki Naza ke black and chain at the club. The one in us girl fe one by the deki. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl dem we get some fun. And we make the girl dem giddy man bun. And nuka run the plate Gigi London. On est où là? Pour une paire de fesses nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous on encaisse le baiser on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. The bad girl wicked, équilibré. Me make the girl turn freaky, équilibré. Them a fi wine pon the dicky, équilibré. Do them fire like the city. Équilibré. Les filles maintenant c'est trop tôt. Et les belles filles si on dit ma zogo. On est trop logo. Ben ben grave nos motos. Qui prend les règnes ce soir c'est la street. Dans le carré VIP négues c'est la street. Qui envoie la bombe de bombe c'est la street. Ce soir c'est de la balle c'est la street ouais. On est où là? Pour une paire de fesses nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. En vrai on s'en bat les couilles, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. Ah ah ah, équilibré. The bad girl wicked, équilibré. Me make the girl turn freaky. Dem a fi wine pon the dicky. Equilibre. Do dem fire like the city. Equilibre. See me in a the club, be a girl me a fuck. Talk dem a talk, but my drops dem strop. That one day wicked, somebody a fi drop. Open the door when the guns dem a knock. Sur Energy Luis Fonsi. Si tú te quedas conmigo bailando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y de roche. Ça va arriver dans un instant sur Energy. Moment magique. Je vous dis moment magique, je suis obligé de vous expliquer, c'était magique. Il y a Tiffany qui essaye d'appeler tous ceux qui vont potentiellement gagner un iPhone en fin d'émission. Et je lui dis, mais écoute, essaye de m'appeler, ça tombe, le standard ne fonctionne pas. Ouais. Elle essaye, je réponds, je dis allô. Elle me fait allô. Je dis ouais, c'est bon, je raccroche. Et là, moi, elle me fait et quoi? Je dis, bah ça fonctionne. Bah oui, ça fonctionne. Elle le regarde, mais vraiment bêtement. C'était un test, chouchou. C'était juste un test. One, two, test. Je sais que le standard fonctionne. D'ailleurs, si vous voulez gagner l'iPhone ce matin, qu'on vous offre le tout nouvel iPhone XR pour chez vous, c'est Orange et Energy qui vous régale. On vous offre ça, vous l'aurez avant tout le monde, puisqu'Orange viendra demain vous les apporter avant 9h. Il suffit de vous inscrire maintenant, il vous reste toute l'émission pour vous inscrire. Ouais. Donc on est large, mais bon quand même, le temps passe vite, faites attention. Vous envoyez phone par SMS au 78, phone au 6018 par message, un petit SMS. Ça coûte 1€ le message envoyé et reçu. Pas cher payé pour un iPhone à quasi 1000 balles. Non. Phone au 78 et l'iPhone XR, on vous l'offre avant 9h. Luis Fonsi qui arrive et Ed Sheeran pour la suite des hits. C'est le 6-9. vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va, Cannes ? Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energy.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Parfois, quand on sert des légumes aux enfants, c'est un peu... à croire qu'ils ont vu un fantomate ou un loup-carotte. C'est pourquoi Deleuze présente les Halloweeny, 6 peluches délicieusement effrayantes pour donner envie de fruits et légumes. Du 25 au 31 octobre dans votre Deleuze. Dépêchez-vous, c'est maintenant ou jamais. Deleuze, du côté de la vraie vie. Et vous, vous la voyez comment votre cuisine de rêve? Sur mesure, super équipée, avec des tiroirs de 2 mètres de large, tu vois. Et des poignées design, comme sur mon dessin là, regarde. Parce que tout le monde rêve d'une cuisine différente, tout est possible chez Cuisine Créfell. Vraiment tout? Tout, même un budget cuisine qui vaut 50% de plus. Un exemple, avec un budget de 8000 euros, nous vous offrons 50% de plus et vous pouvez vous offrir une cuisine équipée de 12000 euros. C'est ça le mois de rêve. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Du 25 octobre au 4 novembre, c'est les Crazy Days chez Manier Luxus. Ils font jusqu'à 50% sur une sélection d'articles et de chaussures. Ouh, j'ai peur que ma femme la prenne. Chérie, chérie, tu sais ce qu'elle m'a dit, la voisine? Ça y est, elle a appris. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux? Conditions sur manierluxus.be. Cet hiver avec Engie, offrez un coach à votre chauffage. Il vous donnera le meilleur de son rendement. 4, 2, 1, 2, 1. Qu'est-ce qui se passe? Un souci avec le chauffage? Ah, allez, tout va rentrer dans l'ordre, le technicien arrive. 3, 4, on tient le coup, c'est parti. 2, 1. Avec Engie, vous profitez d'un service complet qui vous envoie rapidement un technicien agréé pour une réparation. Appelez Engie 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Nous vous aidons dans les 24 heures. Oui, c'est bien ça! Plus d'infos sur ng.be/chauffage. Les enfants, vous venez m'aider à ranger les courses? T'as de la compote materne? Avec des bons morceaux? Oups, j'ai oublié. Et la mousseline materne bien onctueuse? Oh non plus. Oh, super nul. Mais j'ai la nouvelle granité de materne. Onctueuse et avec des mini morceaux de pommes. Ouais! Nouveau, granité materne. La nouvelle sensation pomme. Merci les fruits. Merci materne. Génial! Bientôt un long week-end. Tout le temps pour faire du shopping à Maasmechelen Village et se régaler au restaurant en famille. En plus, le 1er novembre, les boutiques sont ouvertes jusqu'à 20h. Également le vendredi 2 et le samedi 3 novembre. Plus d'infos sur maasmechelenvillage.com. Louis Fonsi à suivre dans un instant. On va parler des pâtes pata. C'est la journée internationale des pâtes aujourd'hui. On va pouvoir laisser avec vous dans un instant. Après un point sur les routes ce matin, Aurélie. Et il y a toujours cet accident sur le 40 à hauteur de Barchon en direction de Liège. La bande de gauche est bloquée. Vous perdez 17 minutes à partir de Herve. Et puis au sud du pays, sur le 411, comptez 34 minutes en plus entre Stockhem et Sterpenich. Papa, parfois, il dit des gros mots dans les embouteillages. Heureusement, il y a 6-9 sur Énergie pour le calmer. C'est le 6-9. Aïe. Bailalo, bailalo. Boom pon the rhythm, boom pon the bassline. Confident, you never get declined. Man, come off and beg your take time. Fonse and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, deux, trois. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, deux, trois. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. Te vuelva loca, esa Calypso. Calypso. Un, dos, tres. Calypso. Un, deux, trois. Calypso. One, two, three. Calypso. Te daré. Ça va, Luis Fonsi, y a pas que toi qui sais compter, hein. Il y a Pitbull aussi. 6h50, dans un instant, c'est... Oh, j'aurais pu en faire d'autres aussi. Il y a Ed Sheeran qui arrive. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Il va roucouler pour nous dans un instant, Ed Sheeran, qui arrive sur NRJ pour vous ce matin. Et là, on va parler des pâtes. C'est la journée internationale des pâtes aujourd'hui. Oh oui. Oh oui, les pâtes. Ah, je suis heureux. Fan de pâtes, toi, mon Frisco. Ah, mais laisse tomber. Moi, je mangerai des pâtes matin, midi, soir, après-midi, goûter, tout ce que tu veux. Au petit déj. Ah ouais. Eh ben, je peux comprendre. Je suis aussi monsieur pâtes. Pâtes matin, pâtes midi, pâtes soir, tout. Ah, pâtes tout. Pâtes. Ouais. Tu vois, au kebab, ils te disent salade tout. Bah, moi, c'est pâtes tout. Tout. J'adore le salade tout. On va parler des origines des pâtes. Après, on fera un petit tour de table, voir un peu quelles sont vos pâtes préférées. Mmh. La forme, pas le goût, vraiment la forme. Puisque là, c'est de ça dont on va parler, et notamment les origines. Si je vous parle des farfales, vous voyez, c'est lesquelles ou pas? Oui. Ouais. J'ai toujours. Ouais, non, j'oublie toujours. Ouais. Les farfales, c'est les papillons, en fait. Oui, papillons. Ah, parce que papillon. Ça veut dire papillon en italien, en fait, tout simplement. C'est drôle comme ça. Je crois que tu sais pas à quoi. Enfin, pourquoi on a donné des noms comme ça, farfales? Et voilà. Et cool. Ben voilà, vous savez, c'est parce que c'est une petite femme en forme de nœud papillon comme ça. Voilà. Ouais, tu pourrais la mettre ici. Tu pourrais la mettre. C'est l'une de mes pâtes préférées d'ailleurs, les farfales. Les tagliatelles, ça vient de tagliare, couper. En gros, on pourrait appeler ça des comme des chutes. Chutes de tissu. De tissu, de. Ouais, des... Ah, en fait, donc, en gros, c'est les restes de. Des lamelles, genre, quoi. Tu fais des lasagnes ou quoi, le reste, tu les coupes en tranches et ça fait des tagliatelles. Exactement. Ok. Les spaghettis. Ah. Ça, je pense que beaucoup aiment beaucoup. C'est les petits cordages. Et alors, j'ai une petite info qui va te faire plaisir, mon Jérém. Parce que ça existait aussi au tennis, ce type de cordage. Qu'on appelait familièrement le spaghetti. Est-ce que ça te parle? Non, ça me parle pas c'est du normal, tout. C'était dans les années 70. Ah. Et en fait, ouais, c'était un cordage très spécifique qui n'existe plus aujourd'hui. Qui s'appelait spaghetti? Qui s'appelait le cordage spaghetti. Et en fait, ça faisait des effets très très bizarres. Tu vois, ça envoyait la balle pas du tout dans le sens où ça devait aller. Et c'était très prisé par les Italiens dans le tennis dans les années 70. Ouais, voilà. C'est marrant. Alors après un truc, on ira se coucher moins bête ce soir. Voilà. Les oreillettes. Les quoi? Oreillettes, pardon. C'est oreillettes. Ouais. Ah oui, je vois. Les petites oreilles. C'est un peu rond comme ça. Ouais. C'est des trucs creusés, c'est en fait. C'est pas un peu des coquillages, comme ça. Non, c'est pas le même. Non, c'est comme des trucs plats. Ah oui, je vois. J'adore. Elles sont bonnes aussi, celles-là. Elles sont bonnes, ouais. Elles ont tendance à s'empiler les unes sur les autres, mais c'est pas mal. C'est les petites oreilles. Les peinés. Ah oui. Avec le 700, mais bon. Voilà. C'est quoi? C'est le tuyau, ça, c'est... C'est le tuyau? Les peinés, c'est pas le tuyau en mode losange? Si, le tuyau... C'est oui, c'est rond. Et puis c'est des petites piques sur les côtés. Non, enfin, au-dessus et en dessous. Ça, ouais, non, ça c'est autre chose. Si, ça fait, on y vient après. Ça c'est les penne. Les ragitoni. Rigatoni, pardon. Mélange tout. Les penne, c'est comme un tube un peu. C'est ça, c'est un tube rond. Oui, c'est ça. Tout simplement. Voilà. Et si elles sont strayées, comme tu dis, enfin rayées, voilà, là dans ce cas-là, c'est les rigatoni. Bref, on enchaîne les conchigli. C'est quoi? Bah, c'est les coquilles, les petites coquillettes, quoi. Les conchigli. Ah, c'est bon, les conchigli, petites coquilles. C'est pas les coquillettes de la mer à l'ustucru, hein, c'est pas les mêmes. Non, ça. Celles que tu fais en mode ketchup, jambon, fromage. Oh! C'est les meilleures, les coquillettes, jambon, fromage, je vous le dis. Les rigatoni, ça c'est les striés, donc c'est le tube strié. Les capellini, c'est les petits cheveux. Ça veut dire les petits cheveux en plus en italien. Donc si un jour tu vas au resto et que t'as le malheur qu'il y a un petit cheveu dans tes capellini, bah va expliquer que t'as des capellini dans les capellini. Capelli, en fait, ses cheveux. C'est ça. Capelli dans capellini. C'est les spaghettis, mais plus fins. Exactement. Oui, c'est okay. Ça. Les linguini, ça, tout le monde connaît. C'est pareil, c'est comme capellini, mais un peu plus gros, un peu plus large. Et les fettuccini, c'est quoi ça, mon Frisco? Tu te souviens ou pas? C'est un truc pour fourrer de la viande dedans? Non, c'est pas ça. C'est cannelloni. C'est une espèce de ruban, les fettuccini. Bon, alors, quelle est votre pâte préférée? Pas forcément dans toutes celles que j'ai parlé là, mais... Moi, c'est les spaghettis. Spaghetti. Et il y a une spécialité sarde, ça s'appelle les malots. Parce que je viens de Sardaigne, et c'est des pâtes, en fait, c'est une tuerie, les gars. Les malots? Ouais, c'est quoi, c'est les malos. Mais t'as pas mal au ventre après? Non, oh, elle est non c'est super bon les gars. Mais c'est quoi, ramène pour faire goûter. Oh, je vous ramènerai un jour, promis. Okay. Je vous ramènerai ce genre de pâte, promis. De malo? Ouais, ça s'appelle malo red ou en sarde. Et donc le diminutif c'est malo. C'est super bon. C'est un genre de petit gnocchi comme ça, de pâte. Et c'est avec une. Enfin, mon oncle l'a fait avec une sauce tomate et crème comme ça. Et c'est. Bah, invite-nous, hein! Oh. Mais quand vous voulez, on va dans son resto. Tonton, avec plaisir. Hein. En plus, il a un restaurant. Allez, ouais. J'ai faim. Allez, oh, j'ai faim. J'ai faim. Merci, Frisco. Merci beaucoup. Ed Sheeran, on écoute ça maintenant. Les coquillettes, ça reste la base quand même. On est d'accord que les pâtes le lendemain, c'est même meilleur. Les tortellini, oh, c'est la vie. Oh. Pardon, Ed Sheeran, vas-y, je suis avec. I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. Tu peux reprendre ta guitare si c'est fini. Dans un instant, c'est Jane qui arrive sur Énergie. Le quiz de la dignité aujourd'hui. Il y a du dossier qui va tomber sur l'un d'entre nous. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anunnaki. No le baje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Once the sun come up, porque I am the party. It's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. They can try, pero no one can stop me. What my taki, taki wants, what my taki, taki gives. Báilame como si enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Nous étions en famille, confortablement installés pour regarder la télé. Mais au moment de sauver la chaudière, l'atmosphère était devenue chaudière. Un problème de chaudière peut gâcher vos bons moments. Pour vous garder au chaud cet hiver, Luminus installe votre nouvelle chaudière. Calculez votre devis sur luminus.be/chaleur. C'est en une sur Énergie. C'est joli. Le 6-9 est là. Énergie. Et le coq. Goûtez notre nouvelle lasagne, élue par vous la meilleure de Belgique. Quoi de mieux que comme et à casa, à part... La nouvelle lasagne bolognaise à casa. Ouais, ça suffit les pâtes là. Et pas moi. 7h sur Énergie, en point sur la météo tout de suite et les infos juste après. Le temps sera généralement sec aujourd'hui, des nuages au programme mais aussi de timides éclaircies. Côté température entre 10 et 14 degrés. L'actu de ce 25 octobre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. On aura bientôt nos empreintes digitales sur nos cartes d'identité. La commission de l'intérieur de la Chambre a approuvé le projet de loi hier sur le registre national. La mesure entrera en vigueur à partir de 2019 et il faudra 10 ans au moins pour renouveler les cartes d'identité de tous les Belges. Les empreintes, elles se trouveront sur la puce de la carte. En fait, ces empreintes sont les empreintes de vos index. Elles seront tout simplement numérisé. La fête d'Halloween, c'est dans quelques jours. Pensez-y, il s'agit du jour le plus dangereux pour les enfants sur la route. L'Institut Vias donne quelques conseils pour éviter les accidents. Il invite les parents à rappeler les conseils de prudence à leurs enfants. Par exemple, toujours s'arrêter avant de traverser. L'Institut Vias appelle par ailleurs les automobilistes à être très vigilants, surtout en sortant de leur garage. On termine avec du sport et du football. Bruges a pris son premier point hier lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont terminé sur un partage 1-1 face à Monaco. Sur Énergie, bonjour! Bonjour! C'est un jeudi que nous démarrons tous ensemble. On le démarre ensemble ce jeudi, évidemment, jeudi 25 octobre. On espère que tout va bien. C'est l'avant-dernière avant les vacances. Ouais! Vendredi, démarre les vacances de la Toussaint. Mon pote Toussaint, je suis content. Ah ouais, on va profiter, on va se reposer, on va revenir encore plus fort que jamais, encore plus feu que jamais. Oh, Jaja. Jane qui va arriver dans un instant, toute l'équipe est là, les fifous du matin sont là. Il y a Aurélie de la Rédac, évidemment. Bonjour. Il y a Tiffany au standard. Bonjour, bonjour. Il y a Jérém. Hello. Il y a Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Bonjour. Et évidemment, il y a vous tous aussi sur les réseaux sociaux, on vous attend. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie, sur Instagram et Facebook. Oui, et justement sur Instagram, il y a Elodie qui nous envoie, parce qu'on parlait des pâtes. Coucou les fifous, peiner ça veut dire bic, et si on regarde la pointe de la pâte, c'est idem qu'un stylo. Ah ben voilà. Et ben voilà, on c'était avait... ça le péné. J'ai eu peur. Parce qu'à une lettre près quand même. Il est tôt quand même. Mais oui, d'accord, très bien. Oui, merci, c'est vrai. Elodie. Merci pour cette information. Maintenant, ça suffit, j'ai faim moi, donc arrêtez de parler de pâtes. Justement, tiens, vu que c'est une journée internationale des pâtes aujourd'hui. Ouais. J'ai envie qu'on parte en Italie aujourd'hui. Faire quoi? Ah oui. En vacances. C'est une excellente idée. Si tu proposes. Eh ben Radio World. World en Italie. Radio World en Italie. Allez, on fait ça ou pas? Allez. Ouais. Eh ben on fera ça dans un petit instant les copains. On écoute Jane. Il y a le quiz de la dignité qui va arriver avant ça. L'un d'entre nous va devoir faire tomber un dossier le concernant. Ça peut être une photo. Ça peut être une vidéo. Ça peut être même carrément, on vous lâche son numéro de GSM. Non, ça non. Oh oui, ça peut être drôle. Non. Ça peut... Enfin, plein de trucs, en fait. Hein. On vous lâche son mot de passe Facebook. Bon, on va lui ruiner sa vie en gros. C'est dans un instant le quiz de la dignité. C'est avec vous sur Énergie. A tout de suite, après Jane. I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be your city runs into my dreams. Darling, I look about the sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be sur Énergie. Marshmello. Ah, ça c'est le morceau le matin, je me lève, je mets ça. Non, tout peut m'arriver. Je suis un champion du monde. Oui. Marshmello, ça arrive dans quelques minutes sur Énergie. Avant ça, ouh loulou. L'heure est grave, nous allons faire un quiz de la dignité ce matin. Un quiz de la dignité, on rappelle ce que c'est. C'est un quiz, tout simplement. Et de pourquoi, la dignité. Pourquoi le mot dignité? Parce que quelqu'un dans l'équipe va perdre une petite partie de sa dignité ce matin. C'est arrivé à Jerem, la oui. première fois qu'on l'a fait. On a publié, non, faut pas en reparler. On a publié une photo de lui sur notre groupe Facebook, hein, qui est toujours là, vous pouvez aller la voir. Les fifous du 6-9 sur Énergie. Elle est même sur Instagram, mais en mode moustachu. C'est fini maintenant. Très sexy. Ouais, mais il faut quand même une petite couche supplémentaire, c'est jamais trop de mal. Et ce matin, eh ben, nous mettons en jeu quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau dans l'équipe va devoir donner de sa dignité. Eh ben vous savez, il est où le petit bocal? Je vais faire ça par tirage au sort afin que personne ne puisse dire quoi que ce soit. Tu me retires du bocal alors. Il y a eu tricherie. Je te retire évidemment du bocal. Moi aussi. Pourquoi toi aussi? Oh, toi non, ouais. Bah. Et ce matin. Oh oui, Frisco! Non! Venez nous rejoindre déjà sur les réseaux sociaux. Oh oui! Mais allez, non, oh, mais oui. Non, mais. Pourquoi c'est toujours moi? Alors, je comment ne sais ça, pas. Toujours toi? C'est toujours moi. Quand il y a un truc à faire dégradant, c'est moi. Alors, attendez quand même que je vous montre qu'est-ce qu'on pourrait prendre de Frisco. Attends, toi, t'as d'office du dossier sur moi, Frisco. Moi, j'ai d'office. Mais oui, j'ai une photo qui traîne, mais attends, faut que je la retrouve. Oh, tiens, mais tu sais qu'il est ami sur Facebook avec ma mère. Et ça, c'est ce qu'il faut pas faire. Excellent. Alors, j'en ai une là maintenant, mais je me dis que c'est peut-être pas la pépite. Je me dis que c'est vrai qu'il faudrait que je retourne laquelle sur le Facebook de ta maman pour non essayer d'en trouver mais non. C'est avec ton chapeau. C'est avec un petit chapeau. Quelqu'un a déjà été à Disney voir le spectacle Bully Bill. Bill Western. Mais non. Ah, ça c'est même chose. Il donne des chapeaux de paille. Ces chapeaux, ils datent d'il y a 20 ans. Ah, elle est magique. Vas-y, fais voir. Bah attends, parce que je la retrouve plus. Tu sais, j'ai beaucoup de photos, moi. D'ailleurs, je retrouve des trucs, les copains. Je me rends compte que j'ai du dossier sur beaucoup de monde. Ah, ou j'ai celle-là aussi. Non, elle est pas. Non, fais voir. L'autre est mieux. L'autre avec ton chapeau est mieux. Je vais la retrouver. Bref, nous allons jouer. Qui vient jouer ce matin pour essayer de faire tomber du dossier sur Frisco? C'est Églantine qui travaille comme sage-femme. Elle est mariée, elle a deux petites filles qui s'appellent Nora et Alia. Elle aime se balader en forêt en famille et puis en ce moment elle aime regarder l'émission The Voice Kids avec sa plus grande fille Alia. Voilà, je l'ai retrouvée pendant ce temps-là. Regardez. Oh là là là là là là là. La photo. Je suis à deux doigts de quitter cette émission. Hein, ma vie n'aura plus aucun sens après cette séquence. Pour vous le décrire un petit peu, il a les cheveux longs déjà, mec. T'avais les cheveux longs de dingue. Mais ouais. On dirait Mowgli, vieux. Et alors, il a des lunettes à la Top Gun et c'est surtout, le chapeau Wild Wild Bills de Disneyland Paris. Il est magique. Excellent. Magique, mon frisco. Je pensais que t'étais mon ami. Oh, mais t'es mignon dessus. Honnêtement, je trouve qu'il y a pire. Là, je te trouve. Eh, beau gosse, sans déconner. Beau gosse, mais beau gosse de que dalle, que j'ai 12 ans et demi. T'as 12 ans et demi, putain, on dirait un mec de 40. Non, je déconne, j'en ai peut-être 17. Mais ah ouais, t'as la moustache là. Bonjour à toi, Églantine. Bonjour. Bonjour. Sois la bienvenue ce matin, Églantine. Oh, il est pas content. Ah, j'ai le seum. Il est pas content. Elle Églantine, le concept est assez simple. C'est un quiz de la dignité. Il va falloir que tu répondes au moins à 3 bonnes réponses et nous publierons la photo de Frisco sur Instagram et Facebook. Ah oui, les deux, là, les deux. Bah oui, faisons-nous plaisir. Allez, venez déjà nous rejoindre. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie, tout simplement. Églantine, quelle est la couleur du ciel? Mais vous êtes sérieux? Non, je rigole. Non, comme pas. Mec, c'est ça sérieux? Ça m'a fait rire, ça. Et un plus un égale. Exactement. Alors, attention, parce que quand même, il y a des questions. Dans quel pays trouve-t-on l'acropole? Est-ce que c'est en Italie, Russie, en Espagne ou en Grèce? L'acropole. J'ai pas entendu les propositions, pardon. Alors, en Grèce, en Italie ou en Espagne? J'en peux plus de ce gars. Églantine. Grèce, oui, Italie. En Grèce. Oui, bah oui, bah non, bah oui, bah mais ouais, mais toi aussi tu l'es, tu fais Grèce comme ça. J'ai subi le même truc il y a 2 semaines. Oui, mais c'était plus drôle avec toi. Je ne dis plus rien. Attends, parce que j'en cherche un petit peu. Oh, si, elle est pas mal celle-là. Combien y a-t-il de trous sur un parcours de golf pour un championnat? 9 ou 18? 18. Oh, mais oui, oui. Bravo, Églantine. Mais depuis quand tu joues au golf, Églantine? Mais tu n'en sais rien. Je ne joue pas au golf. Attention, la petite dernière. Oh là là là là là là. Oh, allez, middle. Je te le dis sincèrement, comme ça, voilà, tu pourras pas dire ouais, que j'ai triché. Attends, je vais voir son middle à lui. Lequel de ses 5 sens, hein, l'odorat, le toucher, tout le bazar, se développe le premier, à ton avis? Ah, quand t'es bébé? Ouais. Le toucher. Le toucher. Non, c'est dommage. C'est l'odorat. C'est pour ça que Tiffany reniflait comme ça? Et oui. Et vous savez pourquoi? Très subtil. Parce que c'est la première chose que tu sens, ce sont tes pets quand tu es petit. Mais vraiment. Par conséquent, c'est le premier truc qui se développe. Et alors, je peux vous dire que chez Jirem, ça s'est vachement bien développé. Hein. Oui, oui, oui. Allez, dernière question, Églantine. On est avec toi de tout cœur. On espère vraiment. Moi, que je suis pas avec toi. Je t'aime bien, mais je suis pas avec toi. Une un peu plus facile, et on lâche du dossier sur Frisco ce matin pour ce quiz de la dignité. Quel est le point faible d'Achille? Vous êtes sérieux? Le talon. Mais non, mais vas-y, mais c'est quoi? Donne-lui la réponse toi aussi directement. Allez, soyons. Eh bien, c'est gagné, Églantine. Tu sais quoi? Eh ben, non seulement tu vas repartir avec un petit cadeau 6-9, et alors en plus, et ça c'est pour moi, c'est le cadeau. Le meilleur. La pépite. Nous allons publier la photo de Frisco. De Frisco. Non, mais je veux pas. Déjà, je vais aller désactiver le Facebook de ma mère, direct. Non! T'as pas le droit de me supprimer de ses amis, tu rigoles ou quoi? En plus, on parle de temps en temps avec maman. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu restes bien tranquille avec maman. Mais dis pas dans ce sens-là. Mais oui, je sais bien, mais quand même. Mais merci. Encore heureux. Nous avons un Frisco ce matin avec un chapeau de paille, avec des cheveux longs, des lunettes à la Top Gun. On a même l'impression qu'il a fait du botox dans ses lèvres. N'arrête-toi. Mais que dalle. Venez nous rejoindre, les fifous du 6-9 sur Instagram. Tu l'as publié, Marco? On dirait qu'il va te vendre des tortillas. Oh, je vous jure, je vous mets. Chouchou, beignet. Chouchou, beignet, 2 euros. Je vous mets ça maintenant sur le Facebook et l'Instagram. Merci énormément, Églantine, d'être venue ce matin merci, et d'avoir joué avec merci, nous. Merci, bonne journée. De rien, bisous. On t'embrasse, Églantine. Belle journée à toi, à bientôt. Bisous, Églantine. Merci, au revoir. Bisous. Je vous mets ça maintenant. Les fifous du 6-9 sur Énergie, venez nous retrouver. Vous allez voir un Frisco magique. I've been thinking, I want

Carrefour, on a tous droit au meilleur. Chez O'Green, laissez-vous surprendre par la magie de l'automne. Les nouvelles collections, toutes aussi splendides les unes que les autres, aiguiront votre intérieur et votre jardin. Il y a aussi comme un vent d'hiver. Le marché de Noël vient d'ouvrir ses portes, il est féerique et magique. Je pense que je vais aller y chercher une inspiration. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7. O'Green.be. Gagnez un an d'énergie verte. Mettez vos piles usagées dans le sachet Bébat que vous recevez cette semaine dans votre boîte aux lettres et rapportez-le à un point de collecte Bébat. Bébat. IKEA aime l'inattendu. Alors, surprise, votre magasin IKEA est ouvert ce dimanche. Venez faire un tour et découvrez toutes nos nouveautés. Plus d'infos sur IKEA.be. En ce moment, chez Mediamarkt, le festival des marques. Profitez d'offres exclusives sur toute une série de produits de grandes marques, comme le tout nouveau Motorola One de 64 Go et son grand écran de 5,9 pouces pour seulement 299 euros. Découvrez nos offres exceptionnelles en magasin et sur Mediamarkt.be. Alors, on cuisine, fiston ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais de bon ? Un croque-monsieur au fromage de Herve. Quoi ? Du Herve dans un croque-monsieur ? Non mais vous les jeunes, vous respectez rien, c'est pas possible. Papa, hein ? Goûte-moi ça. Quoi ? Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Waouh ! Oh, c'est pas mal ce croque-monsieur au Herve. Hein. On dit croque-monsieur. Non, moi quand il y a du Herve, je croque pas, je craque. Le fromage de Herve, carrément incontournable. Savourez d'autres recettes sur hervesociété.be. Halloween à Walibi, c'est une journée Halloween en famille. Et à 18h, Halloween à Walibi, enjoy the day. Info et tickets, walibi.be. L'Italie, dans un instant, nous appelons l'Italie pour un Radio World. Musty qui arrive côté hit, en point sur les routes maintenant, Aurélie. Toujours cet accident sur le 40 à hauteur de Barchon. Deux bandes de circulation sont bloquées. Vous perdez 16 minutes à partir de Herve. Du côté de Bruxelles, sur le 411, ajoutez 25 minutes entre Rixensart et le carrefour Léonard. Sur le ring extérieur, ça coince entre Genappe et Oulart. Vous perdez 37 minutes. 14 minutes de perdu sur le ring intérieur entre Wautier-Brenne et Eusingen. Et puis sur le 411 au sud du pays, ajoutez 32 minutes entre Stockheim et Sterpenich. Century toy. Already in the grave, the game is over. The television stands in the corner. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. Maybe too late. Still looking for a gun. The air is insane. I'm a 21st century boy. I'm a 21st century toy. A girl is passing by. Maybe too shy. A boy is making a try. He's maybe too proud. Like a 21st century boy. Like a 21st century boy. Over and over again, I'm lonely, it should seem. Dans un instant, Snoop Dogg qui va arriver sur Énergie. Avant ça, ce matin, on va appeler en Italie. C'est la journée internationale des pastas. Et j'aimerais qu'on appelle en Italie, en Radio World. Et ce sera... c'est Jérém qui va s'y coller ce matin, oui. Pourquoi moi? Parce que c'est toi, voilà. J'ai déjà trop pris aujourd'hui. Et alors, on n'apprend même pas de mots. Puisque tu as ta feuille, tu as des mots. Buongiorno. Attends, passe-moi la feuille. Tout ça est là. Bene, bene. Voilà. Bene, bene. Bene, bene, bene, bici. On appelle, composition du numéro, on appelle en Italie. Et c'est Jérém, tu te débrouilles avec la feuille que tu as et tu dois nous parler des pâtes ce matin, absolument. C'est parti. Conte San Pietro, buongiorno. Buongiorno. A lei, buongiorno. Buongiorno. Rica. Come stai, miei cara? Tutto bene. Vorrei prenotare una stanza. Per quando? Per due persone. Ma quando? Per stasera. Stasera è urgente. Per stasera è urgente, ma abbiamo solo la suite stasera. Sì, è la giornata della pasta internazionale. Ah, della pasta internazionale, di chi? Quella pasta? Sì, voglio mangiare i miei maccheroni preferiti. Maccheroni con la salsa, col ragù. Conosci qualche ristorante? Sì, a voglia, come no. Oh, e servono la pasta con ketchup? Con? Ketchup? No, ketchup no. Con salsa, no ketchup. Posso già ordinarti? A me vuoi ordinare un pacco di spaghetti? Sì, spaghetti con alla carbonara e un Coca-Cola. Una Coca-Cola, sì, vieni qua e te la do, non ti preoccupare. Va bene, Ciao, lunga vita. Lunga vita alla pasta. Lunga vita, viva la pasta. Viva, ciao, la caro. Bella, viva, e sta la vita la bella. Tutto è bello, ciao. La vita è bella. Va bene, ciao tesoro, un ciao, bacio, ciao. Ciao mia cara, ciao. T'as dit salut trésor à la fin. C'est génial. Oh, j'adore. On était en Italie avec toi, ouais, ouais. Je savais pas comment dire ketchup. Alors ketchup. Ketchup c'est bien. Magique. Merci Jérém pour ce moment. Merci à vous. In the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. And if a nigga get an attitude, pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Chandon and I'm over best weed cause I got it going on. I'm a nice dude with some nice dreams. See these ice cubes, see these ice creams. Eligible bachelor, $1 million bow. That's whiter than what's spilling down your throat. A phantom, exterior like fish eggs. The interior like suicide wrist red. I can exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, man, that's how you get a his head. Killer with the B, I know killers in the street. With the steel to make you feel like chinchilla in the heat. So don't try to run up on my ear talking all that raspy shit. Trying to ask me shit. When my niggas feel your vest, they ain't gon' pass me shit. You should think about it, take a second. Matter of fact, subscribe, nigga, get your issue. Baby, come close, let me see how you get loose. When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the pigs try to get at you. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Gratte la guitare. And if a nigga get an attitude. Gratte la guitare. Gratte la guitare. Gratte la guitare. Got the rollie on my arm. Allez, c'est bon. Dans un instant, Jonas Blue qui arrive sur Energy. Restez là. Ma Maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'attendra merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme inutile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit lay lay lay lay la la la la la la la la la la la la la la la la la. Danse danse à la vie à l'amour. Lay lay lay lay la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Danse danse à la vie à l'amour. Le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit lay lay lay lay la la la la la la. Danse danse danse danse danse danse à la vie à l'amour. Danse danse danse danse danse danse danse danse danse à la vie à l'amour. En plus de 1 mètre de haut à 14,95€. Cora en fait toujours plus, beaucoup plus. Un prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. 7h31 sur Énergie. Dans un instant, les 7 questions de la mort qui tue. Et un point sur la météo juste avant. Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura des nuages, des timides éclaircies aussi. Côté température entre 10 et 14 degrés. Elle nous informe tous les jours à 7h31. C'est l'actu de ce jeudi 25 octobre. C'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Dans quelques jours, c'est Halloween. Les enfants vont partir à la chasse aux bonbons. L'Institut Vias rappelle que le 31 octobre est un jour particulièrement dangereux pour les enfants. Il appelle les parents à rappeler les conseils de prudence, par exemple s'arrêter avant de traverser. Vias donne aussi quelques conseils, parmi eux visiter un côté de la rue puis l'autre, ou encore intégrer des éléments réfléchissants au costume. Si vous pouvez donner lampe de poche aux enfants et puis préférer le maquillage au masque, ça permettra aux enfants de mieux voir et entendre la circulation. L'Institut Vias demande par ailleurs aux automobilistes d'être vigilants, notamment en sortant de leur garage. Le redoublement première secondaire pourrait refaire son apparition. La ministre de l'Enseignement pourrait ainsi faire marche arrière concernant l'interdiction actuelle. Marie-Martine Schintz a lancé une réflexion sur le sujet. La ministre souhaite impliquer davantage les enseignants dans le parcours des élèves. Les empreintes digitales arrivent sur nos cartes d'identité. La commission d'intérieur de la Chambre a approuvé le projet de loi sur le registre national. La mesure entrera en vigueur en 2019 et il faudra 10 ans pour renouveler toutes les cartes d'identité du pays. Les empreintes, elles se trouveront sur la puce de la carte d'identité. En fait, les empreintes de vos deux index seront tout simplement numérisées. Et côté prix, on n'annonce aucun changement. On passe au sport. En football, Bruges a pris un point, son tout premier point hier lors de la troisième journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont fini sur un partage 1-1 face à Monaco. Et puis de son côté, le Barça s'est imposé 2-0 face à l'Inter. Le PSG et Naples ont fini sur un partage 2-2. L'info énergie. Info énergie, on parle de quoi aujourd'hui? Du Vatican. Ah bah oui, c'est journée intense, ça a des pâtes, assis Italie. Oui, mais ça n'a rien à voir avec des nuits. Hein. Est-ce que vous avez l'application Pokémon Go? Non. Non. Je l'ai eu au tout début, là, quand c'est sorti, mais après je l'ai... Tu vas peut-être télécharger la nouvelle application lancée par le Vatican et qui s'inspire... Papengo. De Pokémon Go. Non, ça s'appelle Follow Jesse Go. Donc, Follow JC Go, suis Jésus-Christ Go. Ok, d'accord. Après... Et en fait, le but, c'est se promener dans les rues et de capturer des personnages bibliques, enfin des saints, et de rejoindre, de les inviter à rejoindre ton équipe. Voilà, c'est une application qui reprend vraiment le concept de Pokémon Go. Et en mode Jésus-Christ, quoi. En mode Jesus Christ. Et bon. Et c'est lancé par le Vatican, oui. Donc il y a plein de personnages bénis, des trucs, des livres sacrés. Super, j'ai Saint-Pierre. Le pape a besoin de thunes ou quoi? Non, quoi, mais c'est pour s'amuser tout en... voilà, c'est intéressant à la religion. Ouais, on sait pas pourquoi c'est fait, mais bon, voilà quoi. Mais, non, c'est juste très. Enfin, moi je trouvais ça comique, voilà. Ah, bah oui, c'est vrai. Bah, ça me donne pas envie personnellement, je vous le dis sincèrement. Déjà, avec Pokémon, c'était pas trop mon délire. Tous ceux qui sont dans la rue comme ça. Alors, avec des prêtres et des Saint-Pierre, des bazars. Ouais. Quoi, il faut chercher le petit Jésus. Ah, bah ouais, t'inquiète. C'est pas. Le Graal, c'est Mew. Y'a pas de soucis, moi je le mets dans la crèche tous les soirs. Oh là là. Quand j'avais votre âge, il n'y avait pas le 6-9 sur Énergie. Alors, pas d'excuses. Le 6-9 sur Énergie, 6h-9h. C'est vrai, ça n'a pas d'excuses les fifous. 7h35, bonjour. Bonjour. Défi bonhomme de neige ce matin, ça va arriver dans un instant après les 7 questions de la mort qui tue et Jonas Blue tout de suite. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top with you. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change anything at all. Oh, we gonna ride till we fall. They think we just drop out, living at our mom's house. Parents must be so proud, they know it all. No, they don't speak our language. Cette question de la mort qui tue. On joue ce matin avec vous les 7 questions de la mort qui tue. Bah c'est 7 questions de la mort qui tue. De la mort qui tue. 7 questions qu'on vous pose. Et il faut retenir les réponses et il faut donner après toutes les réponses à la fin des 7 questions. On croit que c'est facile comme ça sur le papier, mais c'est pas si évident que ça. Vraiment, faut faire place à la mémoire. Et on a Déborah qui vient ce matin. Oui, Déborah qui vient de Dampremis, donc du côté de Charleroi. Hein, dédicace, représente. Elle a un garçon de 15 ans qui s'appelle Mathéo. Elle aime aussi écouter de la musique et en ce moment moins, elle regarde les séries comme Esprit Criminel ou Grey's Anatomy. Oh, Grey's Anatomy. C'est une série, il faut que j'arrive à convaincre ma nana de se commencer cette série. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est bien, t'as de quoi rattraper. Il y a 800 saisons. Il y a 12 saisons, je crois, donc on est plutôt pas mal. Bonjour, Déborah. Salut l'équipe. Salut. Déborah, nous allons jouer avec toi ce matin aux 7 questions de la mort qui tue. Tu vas pouvoir choisir quelqu'un de l'équipe qui va jouer pour toi et tenter de t'offrir du cadeau. T'as envie de jouer avec toi? Ok. Il y a Frisco, il y a Jérém, il y a Tiffany du Standard. Qui a la meilleure mémoire? Aucun. C'est pas mal barré, hein, je te dis. Alors, je vais prendre une fille. Une fille? Eh ben, Tiffany du Standard. Voilà. Tiffany du Standard va faire les 7 questions de la mort qui tue. Tu dois retenir donc les 7 réponses, évidemment, ouais. Et tu nous les donnes juste après. D'accord. Tu me dis quand tu es prête. Ouais, je suis prête. Oh. Elle fait la maline. Déborah, je te souhaite bonne chance. C'est Tiffany qui joue pour toi ce matin. Voici les 7 questions de la mort qui tue. Fais le cri du chien. Combien font 9 plus 1 moins 11? Cette tête, j'adore. J'ai en plus, j'ai jamais été forte en maths. Le perroquet, est-ce qu'il a des plumes, des poils ou des écailles? À Noël, on le décore avec des guirlandes et des boules. Ça s'appelle le... De quelle couleur est l'eau du robinet? Sur quel chiffre je dois régler mon thermostat si je veux une température intérieure de 28 degrés? Attends, répète un coup la question. Sur quel chiffre je dois régler mon thermostat si je veux une température de 28 degrés? Il reste plus que 15 secondes, vite. Et enfin, quel bruit fait le cheval quand il est content? Ok. Sur le fil. J'étais chaud. Wouf wouf. Moins 1. Plume. Bah, l'eau du robinet, quand on le dessine, c'est bleu, mais sinon c'est transparent. Mais non, c'était pas ça. Le décor avec des guirlandes et des boules. Sapin. Oh, alors comment ça? Non, mais non. Allez, vas-y. Sapin. Non, tu commences au début. Recommence au début. Ben, ouf ouf, moins 1. Ouf ouf, moins 1. Le perroquet, il a des plumes. Ouais. Sapin. On met de l'eau transparente, quoi. 28 degrés. Et puis C'est quoi? Tu me fais le combo du chien et du cheval et c'est gagné. Ouf ouf ouf. Allez, c'est gagné, Déborah. Bravo. Même si honnêtement, c'est vrai, elle a perdu. Bah ouais, t'avais sauté une question, ma chouchoute. Cette question, c'était la quatrième. Le sapin. T'es passé des plumes directement à l'eau du robinet alors qu'il y avait le sapin entre les deux. Mais bravo quand même, c'était un beau cheval et un beau chien que nous avons. Déborah, on t'offre du cadeau, 4 places de ciné, la dernière compil énergie ou alors l'enceinte Bluetooth du 6-9. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Déborah? L'enceinte Bluetooth. Eh ben on t'envoie l'enceinte Bluetooth. Bonne journée à toi, Déborah. Merci, bonne journée à toi. Bisous. Salut Déborah, bisous. Lizzo qui arrive, et dans un instant, Bonhomme de Neige, c'est un défi. You're trying to play coy, like a game boy. Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you alone, boy? Come give me tone, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, ay, papi. Baby, I don't need you. Just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 plus 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 plus 2? Boom, 3, 2. 7h45, c'est jeudi, on le démarre ensemble ce jeudi avec dans un instant Calvin Harris et Sam Smith. J'aime beaucoup ce nouveau hit. Dans quelques minutes, nous allons faire un défi à l'occasion de la sortie du film Casse-Noisette et les 4 royaumes. Nous allons devoir faire un défi ce matin, neige. C'est le thème de la neige. On n'a pas de neige. On n'a pas de neige, c'est compliqué à cette période. Bah oui. Et du coup, nous avons eu la bonne idée que quelqu'un soit un bonhomme de neige ce matin. Nous allons devoir le déguiser en bonhomme de neige. Ça et pour ce peur. Faire, nous avons acheté une combinaison. Nous avons mis de la colle à tapisser dessus. Et nous avons des espèces de lance-roquettes comme ça qui va lancer plein de papier. On a du coton, on a de la farine. Enfin bref, autant te dire qu'on va faire un magnifique bonhomme. Oh non. Je sais pas qui ça va être. Attends, c'est un tirage au sort quand même. C'est j'espère. Un tirage au sort. Où sont les petits papiers, mon frisco, mon poulet? Tu t'as mis ça où? Toi qui les as? Ils sont où? J'ai demandé à Aurélie de la rédac, notre main innocente de l'équipe, de faire le tirage au sort, s'il vous plaît, et de savoir qui ce matin va être en bonne neige. Il y a Tiffany qui me fait des signes. Pas moi, s'il vous plaît, pas moi. Allez, roulement de tambour. Qui va être en bonhomme de neige ce matin? Ce sera... Marco. Oh wow. Hey Marco, tu mets 5 euros dans la cagnotte parce que t'as dit petit pardon, lutin. Pardon. Oh non. Si. Ah si, c'est marqué sur le papier. Mais moi, je sais ce qu'on va faire. C'est pour ça que je dis non. Yes. Marco, bonhomme de neige, ça va être terrible. Ça va être drôle. Les gars, ça va être un moment magique. Venez venir nous voir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. On démarre un live maintenant. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver. On revient juste après Calvin Harris sur Énergie. A tout de suite. Découvre le mystère caché derrière la légende. Casse-Noisette et les 4 royaumes, le 31 octobre au cinéma. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Energy. Hit Music Only. Aujourd'hui, Decathlon rend hommage à Samir et Ariane. Samir va faire du ski pour la première fois. Bien au chaud, sous son sous-vêtement. Il n'a coûté que 4 euros. Il met son masque. C'est très important, le masque à 10 euros. Et se lance. Allez. Trop confiant, il se prend les skis dans ceux de sa maman. Et oh, il tombe casque en avant. Ah, heureusement que t'avais ton casque à 13 euros. Hein. La journée commence bien, plein soleil et plein de neige dans le cou. Bravo à toi Samir, et à toi aussi Ariane. C'est pour des familles comme vous que nous développons des articles de sport au meilleur prix. Decathlon. On a tous une bonne raison d'aller chez Intermarché. Ma raison à moi, c'est mon envie de fleurs avant l'hiver. Ah, regardez, nos chrysanthèmes pomponnettes par exemple, elles sont justement à 2,38€ la pièce. Un prix vraiment KO pour une taille XXL. 2,38€ la plante? Bah ouais. Ah, je vais pouvoir refleurir ma terrasse. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés. Bon, mon cœur, il faut que je te parle. Assieds-toi. Deux places. J'ai envie d'un chien. Trois places. Un petit, hein. Un chihuahua. Deux places. Ou un bouvier bernois, si tu préfères. Trois places. Ou même un dog allemand. Quatre places. Ou alors un teckel, tu vois, les chiens saucisses. Cinq places. Mais vraiment, alors un long teckel. Six places. Alors? En fait, je préfère les chats. place à l'inattendu avec les canapés et convertibles de IKEA. Maintenant avec 10% de réduction. Plus d'infos sur IKEA.be. IKEA, à chaque jour ses plaisirs. En Équateur, une fille monte dans un bus. Trois hommes s'asseyent à côté d'elle. Ils la dévisagent. Stop, je veux pas entendre ça. Et puis les hommes la touchent. Ils lui lancent des injures. Stop, s'il vous plaît. Ils l'agressent. Ils abusent d'elle. Stop. Et dans le bus, il n'y a personne qui réagit. Stop. Stop. Oui, effectivement. La violence envers les filles doit cesser. Alors ne détournez pas le regard. Agissez pour les filles sur planinternational.be. TF1, Munch est de retour, plus incontrôlable que jamais. Je sais pas, réfléchis enfin, Munch. Je réfléchis des fois après. Et puis ça vous arrange bien quand même des fois que je fasse des trucs spontanés, hein. Inédit, Isabelle Nanty et Munch, ce soir à 21h. J'ai hâte. Moi aussi. TF1, partageons des ondes positives. Halloween à Walibi, c'est une journée Halloween en famille. Et à 18h... Ça fait vraiment peur. Halloween à Walibi, enjoy the day. Feel the night. Info et tickets, walibi.be. Génial! Bientôt un long week-end. Tout le temps pour faire du shopping à Maasmechelen Village et se régaler au restaurant en famille. En plus, le 1er novembre, les boutiques sont ouvertes jusqu'à 20h. Également le vendredi 2 et le samedi 3 novembre. Plus d'infos sur maasmechelenvillage.com. Branchez-vous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est les Fifous du 6-9 pour nous retrouver. Défi bonhomme de neige, évidemment. C'est tombé sur toi. C'est tombé sur moi, je suis ravi. Va falloir que je me transforme en bonhomme de neige en moins de 30 secondes, ça va être fabuleux. Ça sera juste après Calvin Harris, et là un petit point sur les routes, Aurélie. Toujours cet accident sur le 40 à hauteur de Barchon. Deux bandes de circulation sont bloquées. Vous perdez 22 minutes à partir de Herve. Sur la Nationale 80, attention, un accident s'est produit à hauteur de Anu en direction de Namur. La circulation se fait en alternance sur une seule bande. Du côté de Bruxelles, en direction de la capitale, vous perdez 27 minutes sur le 40 entre Everlé, Woluwe et Saint-Etienne. Sur le 411, ajoutez 32 minutes entre Overace et Odergem. Sur le ring extérieur, ça bouchonne entre Mont-Saint-Jean et Oulart, vous perdez 41 minutes. Et puis si vous circulez sur le 411 en direction du Luxembourg, il y a 27 minutes en plus à compter entre Stockheim et Sterpenich. Are you drunk or not? Now they judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm here now, energy taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything tonight. Bienvenue sur Énergie, Kenji qui va arriver dans un tout petit instant. J'ai une de ces dégaines, les copains, et je vous raconte même pas ce qui se passe. Où Où suis-je? Vous êtes dans les quatre royaumes, princesse Clara. Casse-Noisette et les quatre royaumes, au ciné avec énergie. Le film Casse-Noisette et les quatre royaumes au cinéma avec énergie. On a des places à vous offrir dans un tout petit instant. On va vous offrir ça comment? Très simple. Il suffira d'aller sur le Facebook de l'émission Les Fifous du 6-9 sur énergie, le groupe Facebook, et de commenter la vidéo. Je suis pas bien. Allez, on passe. Voilà. On y va? On y va en Allez, direct. Go. On va faire ça en direct, les copains, sur énergie ce matin. C'est formidable, je vous le dis. Ce moment s'annonce pathétique. Je vais juste mettre une autre petite musique. Voilà. Vas-y. Ça va me stresser, casse-toi. Le truc est déjà pas assez stressant. Alors, je vous le dis tout de suite, vous y allez mollo, les copains. Donc, le défi ce matin, c'est un défi bonhomme de neige. Et donc, en gros, j'ai mis une combinaison de peintres, hein, on pourrait dire. Et donc, ils vont m'enduire de colle à tapisserie. Et il y a des canons, il y a de la farine, il y a du coton, il y a. Enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Les voilà, filles, vous pouvez venir. Tiffany, tu peux venir aussi, ma chérie, t'inquiète pas. Alors. Ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Tiens, moi, Jérém, je vais te donner le micro. Et donc, on démarre par m'enduire de. De colle à tapisserie. De colle à tapisser. T'es prêt? Allez, go! Je vous rappelle, on est en live sur Facebook, venez nous rejoindre. C'est les Fifous du 6-9 ou bien sur Instagram, les Fifous du 6-9, on est en live aussi. C'est affreux. Alors, on m'enduit de colle, ça passe à travers la combinaison. C'est vrai? Ah, là. Et comme ça, vous savez, on est dans le garage. De énergie pour pas foutre quand même le bordel dans le studio. Et il y a Frisco qui prend un plaisir de te foutre plein de colle. Hein. Clairement, j'ai jamais pris autant de clients. Le gars est en kiff total. Venez voir. Ouais, les lunettes, le masque que t'as mis, on dirait un super-héros raté. Venez voir ça sur Facebook, Instagram, les copains. C'est les Fifous du 6-9 sur énergie pour nous retrouver. Je vous jure, pas bien. Je sens l'humidité à travers le. Non, mais parce que je dois mettre ceci sur la tête. Hein. Ouais. Si, oui, il faut en mettre sur la tête. C'est bien ça! Ah mec, ça passe à travers, je le sens. C'est affreux! Oh là là! Voilà. C'est bon, il y en a partout ou pas? Non, il y en a pas partout. Sur les jambes. Oh là là on va mettre de la colle partout sur Marco. Il y a des canons à neige qui sont juste derrière. Faites gaffe, hein. Oh, je le sens pas. Je sais pas pourquoi je le sens. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Venez nous rejoindre. On est en live sur Instagram et Facebook. Les Fifous du 6-9 sur énergie. Vous devez voir la tête de Marco. Je suis pas bien. Je te jure, on dirait un super-héros raté, mec. Le pire bonhomme de neige. On dirait le fils du dessinateur, tu vois, d'un super-héros qui a dit: allez, mon chéri, fais un super-héros pour papa. Voilà. Bon, allez. Vous êtes prêts? On met. Attends. On met. Attends, on fait d'abord les canons? Il faut enlever le petit plastique ici. Donc il y a le micro. Il y a les canons et il y a les petits papiers et il y a les cotons ici juste à côté, les copains. Et donc on fait un décompte de 10. Attends, j'en mets. Et j'ai envie de te dire, genre il y en a pas assez. Je fais un décompte de 10 et vous lâchez tout à partir de 10. Okay. Vous êtes prêts? Ouais. Et les filles aussi, pas Aurélie, tu peux te faire plaisir avec un coton avec les. Pas dans sa tête. Hein. Pas dans sa tête. Allez, tu dis 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah non. Ah aussi. Oh non. Venez voir, on est en live, c'est juste génial. Il ressemble à tout sauf à un bonhomme de neige. Quoique, tu peux te rouler par terre, roule-toi par terre, vas-y, roule-toi par terre, Marco. Allez, roule-toi par terre. Voilà. Voilà. Vas-y, relève-toi. Oh non. Attends. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà. On dirait un sushi. Ah, et ben voilà les copains, c'est le pire truc qui pouvait m'arriver aujourd'hui, je vous le dis. Mais c'est. Attends! C'est quoi ce bonhomme de neige? On dirait un clown. Et la touche finale, le nez évidemment. Venez voir ça, Instagram, Facebook, les Fifous du 6-9 sur énergie. Alors, les défis réussis ou pas? Oui! Oui, défis réussis évidemment! Défis réussis. Alors, le truc, c'est que je suis incapable de rentrer dans le studio dans cette. dans cette tenue. Jérém va envoyer la suite. Jérém va envoyer la suite, mon pote. Je sais pas quelle heure il est. Au pire des cas, envoie la pub et on revient juste après avec les infos. La météo, je suis pas bien. Venez voir ça sur Instagram, Facebook et. Oh, oh. Voilà. Oh, t'es beau. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, vas-y, mon Jérém, on revient tout de suite. La légende Casse-Noisette et les 4 royaumes, le 31 octobre au cinéma. Enfant des villes ou enfant des foins, on se fait tous une île pour aller bien. À l'horizon, pas de boulot, c'est pas qu'on est con, non, c'est qu'on l'est trop. Alors on traque un peu de joie pour porter le sac quand ça va pas. Et demain l'horloge s'arrêtera, comme dirait Georges, ça va de soi. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Le temps qu'on passe à pleurer s'amoncelle dans nos valises. C'est du temps qui casse le dos, qui nous le brise. Oublier l'horloge qui tourne et nous tue, comme dirait Georges, bien entendu. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, tout oublier tu vois. On ira faire la fête, on ira faire les rois, pour se vider la tête, pour oublier. Sur l'énergie, restez là, je vais me débarbouiller, on revient juste après. Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Alors profitez maintenant de notre grand déstockage sur les meilleurs vins et recevez 10% à l'achat de 12 bouteilles, 20% pour 24 et 30% pour 36 bouteilles sur une large sélection de vins. Jusqu'à samedi, exclusivement dans les Carrefour hypermarchés. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse, voire conditions en magasin. 8h03 sur Énergie. Énergie. Music only, energy.

le duel énergie. Et peut-être qu'aujourd'hui il n'y aura pas de 200 euros, peut-être qu'il n'y aura plus du tout de maître du duel, peut-être qu'elle va tomber aujourd'hui, notre Jennifer. Allez, de retour ce matin. Bonjour Jennifer. Bonjour les fifous. Bonjour. Jennifer, toujours en pleine forme, sois la bienvenue ce matin pour ce nouveau duel. Cagnotte qui s'élève à 600 euros pour Jennifer. Pas mal. C'est déjà pas mal. Sauf que ce matin, attention, la jeunesse vient t'affronter. C'est Laurie, 32 ans. Oui, Laurie qui travaille comme vendeuse dans un supermarché. Elle aime beaucoup lire, c'est sa passion. Et elle aime beaucoup la série Outlander sur Netflix. Alors, Jennifer, méfie-toi de Laurie puisqu'elle va te raconter une petite histoire et t'endormir au passage, tu ne vas rien voir venir. J'adore. Laurie, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Laurie, Jennifer, vous allez vous affronter ce matin dans un nouveau duel. Nous allons jouer avec les comédies musicales. Oh, j'aime bien. Est-ce que vous êtes fan de comédies musicales, les filles? Ça va. Ça va. Bon, très bien. Laurie, ça a pas l'air. On verra. Nous allons jouer avec donc un blind test comédie musicale ce matin. 500 euros à gagner peut-être pour vous. 100 euros par extrait. Et attention, cette règle est très importante. Votre buzzer, c'est votre... Prénom. Exactement, les filles, vous avez tout compris. On y va, voici le premier extrait. On cherche des comédies musicales, donc il faut le titre, enfin le nom de la comédie. Le nom de la comédie, ok. Pas le titre de la chanson, le nom de la comédie musicale. Arrête, lui, il est en train de prendre des dossiers. Je vous cache pas que je suis en train de faire de la radio à poil, moi, quasi. Après ce défi, bonhomme de neige. Allez, les filles, bonne chance, on y va. Merci. Voici le premier extrait. Merci. Eh oui, il est un peu compliqué celui-là, j'avoue. Ouais. C'est pas le... Ça ira mon amour, ça ira ton toujours. Eh ben on vous laisse pour vous les filles, est-ce que vous avez reconnu cette comédie musicale? Allons amants, déclamer nos serments interdits. Et je peux même vous mettre le refrain? Ça ira mon amour. Ça suffit. Vous avez reconnu, vous envoyez duel plus la bonne réponse par SMS au 6018, c'est 1 euro le message envoyé reçu. Duel plus la bonne réponse au 78. Voici le deuxième extrait. Bonne chance. Oula, dis donc, vous n'êtes pas à la hauteur, vous, par contre, ce matin. C'était Emmanuel Moire qui jouait dans quelle comédie, ça vous revient? Non? L'équipe? Si, le Roi Soleil. Le Roi Soleil, évidemment. Être à la hauteur de ce manque mortel. On connaît pas les mots. Il y a beaucoup de chansons où tu sais, tu comprends rien, mais juste le dernier mot. Ouais, le dernier mot, tu le connais. Eh bien, ça fait 0-0 toujours pour l'instant. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, Jennifer? Qu'est-ce qui se passe, Laurie? Bah oui, c'est loin tout ça. C'est loin. Ah oui, c'est vrai que c'était pas hier. Attention, celle-là, elle est un peu plus récente. Ça devrait vous revenir. Elle a été quand même fort connue. Voici l'extrait. Laurie, en premier, on t'écoute. Mozart, l'opéra rock. T'as failli donner la réponse avant, ma Laurie, hein. Oulala, j'ai failli. Eh ben oui, c'est bien Mozart, l'opéra rock. Bonne réponse. Oui, Mozart, l'opéra rock. Avec la Saint-Symphonie. Détends-toi, arrêtez de me photographier de partout. Et mais qu'ils en profitent, je suis à poil, ils me prennent en photo, arrêtez. C'est pas vrai ça. Sans rire. Oh là là, je suis pudique en plus. Ah oui, t'as l'air. Ah bah oui, mais t'as dit. Choix, tu me fais rire. Tu veux que je fasse comment? Je suis enduit de colle de partout. Bonne réponse en tout cas de Laurie. Ça fait 100 euros, un point pour toi. Il reste deux extraits. Attention Jennifer, peut-être la fin, la fin des maîtres. La fin des haricots. C'est un haricot en or, hein. C'est un haricot à 600 euros quand même. Bel haricot de compétition ça. Attention, celle-ci, ça va aller très vite. On cherche des comédies musicales ce matin. Je sais pas pourquoi, mais celle-là, je sens que ça va aller super vite. Les filles, n'oubliez pas votre prénom avant la réponse. Très important pour buzzer. C'est parti. Jennifer en premier. Jennifer, on t'écoute. Esmeralda. C'est pas la bonne réponse, malheureusement. Laurie. Laurie, oui, c'était Quasimodo. Quasimodo. C'est pas la bonne réponse. Allez. Attendez, on vous la laisse. Dans la voiture, vous savez. On vous la laisse, les fifous. Tout le monde a trouvé celle-là. Mais évidemment. Laissez-moi vous être infidèle. Vous avez une idée. À quoi ça se veut d'avoir mené jusqu'à l'hôtel. On va chanter après là-dessus, je vous ah dis. Ah ouais, mort. On quittera le duel avec cette comédie musicale. Si vous l'avez trouvé, envoyez duel plus la bonne réponse au 78. Peut-être que vous aurez du cadeau aussi pour vous. On cherche donc cette comédie musicale qui est très facile, hein, franchement. Un peu ça. Allez, bonne chance à vous. Duel plus la bonne réponse au 6018. Les filles, il reste un seul extrait. Jennifer, j'ai envie de te dire que même si tu le trouves malheureusement, ça va être foutu pour aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Non. On le tente pour l'honneur. Voici le dernier extrait. Bonne chance à toi, Laurie. Peut-être démarrer avec 200 euros pour être la nouvelle maître. Ça peut être sympa. Dernier extrait. Oui. C'est parti. Jennifer, on t'écoute. Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, la comédie musicale. Eh ben, c'est une bonne réponse, mais ouais, oui. Ouais, on fait la vie jour après jour, nuit après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre si c'est pour faire nos villages? À quoi ça sert d'être sur la terre? On sait bien qu'on fait pas de mal. Il y a Frisco qui pète un câble. J'adorais cette comédie. Eh ben, j'ai envie de dire merci à toi, Jennifer, d'être venue avec nous. Tu repars. Merci à vous. Avec 600 euros. Bravo, Jennifer, 600 euros. Bravo, c'est gagné. C'est déjà super. Bah oui, c'est déjà pas mal. Tu sais ce que tu vas faire avec ou pas? Oh, je vais les mettre de côté pour un voyage ou quelque chose comme ça. Oh ouais, un voyage. Oh oui. Ça, c'est une bonne idée. T'as bien raison. T'as très. Et je peux faire un petit au revoir à tout le monde. Vas-y. Ça coûte 600 euros, vas-y. Bah, je veux faire un bisou à tous les gens que je connais, qui me reconnaîtront. Stéphanie, Angélique, mes parents, mes soeurs, mon frère, enfin tout le monde qui me connaît. Gros bisous à tout le monde. Eh ben voilà, on les embrasse bien fort. Merci à toi, Jennifer, d'avoir été notre maître du duel. On t'embrasse. 600 euros pour Jennifer, bravo. Et du coup, Laurie devient notre nouvelle maître du duel. Hey, welcome, Laurie. Bienvenue Laurie dans la bande des fifous. Tu seras avec nous chaque matin à 8h05 pour venir jouer avec nous au duel énergie. Et tu gagnes donc 100 euros. C'est un début maigre, mais c'est un bon petit début. C'est bien. Bah, c'est sympa, 100 balles. Attends, oh. On est en journée. En 5 minutes. Et quand il n'y a pas beaucoup de boulot, est-ce qu'il y a tous les collègues qui commencent à arriver au bureau maintenant? C'est l'heure. Ils me regardent tous de travers. Mais qu'est-ce qu'il faut à poil dans le studio? Je suis pas bien. Bravo en tout cas, Laurie. On t'embrasse fort. Et rendez-vous demain pour un nouveau duel. Bisous à toi, Laurie. Bonne journée. Merci, à demain. Bisous. Bisous. Vite fait, on cherchait tout à l'heure. C'était 1789, le premier extrait. C'est les amants de la Bastille. Oh, ouais, c'est ça dur, ira, mon amour. Il n'était pas facile celui-là. Ça ira pour tout. Avec Rod Janois, je pense qu'il chantait. Et alors celui-là? C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. C'est évidemment Notre-Dame de Paris. Tout le monde l'a trouvé. Beaucoup de bonnes réponses oui, qui sont oui, arrivées. Beaucoup, hein, évidemment. Beaucoup. Et c'est vrai que ça fait plaisir, ça. D'ailleurs, c'est la comédie musicale qui a fait découvrir Garou et tous les autres. Hein. Patrick Fiori, Hélène Segarra, etc. C'était en 1998, les gars. Ça fait 8 ans. 20 ans, ça fait 8 ans. Ça fait plutôt pile. J'avais 8 ans. Ah, t'avais 8 ans, ouais. Et moi, je suis allée la voir à l'époque. C'est vrai. Ouais, il y a 20 ans. T'as eu de la chance, quoi. Allez, bam, le coup de vieux dans la nuque. C'est sympa. Ouais, c'était Notre-Dame de Paris qu'on cherchait. Nouveau duel demain à 8h05. Soyez là sur Énergie. Le duel Énergie. C'est le 6-9. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie. It's music. Only. Aujourd'hui, Décathlon rend hommage à Evelyne et Fadou. Quand elles reviennent du boulot, elles enfilent leurs gants, 5 euros, leur bonnet, 5 euros, et leur collant. Et puis, j'ai aussi pris le collant, 15 euros. C'est quand même pas l'hiver qui va les empêcher de courir, non? Allez, c'est parti. Et s'il fait noir? Hop là! Elles ont même une lumière. Elle m'a coûté que 4 euros, pour faire peur aux loups. Bravo à toi, Evelyne. Et à toi aussi, Fadou. C'est pour des coureuses comme vous que nous développons des articles de sport au meilleur prix. Décathlon. Décathlon! Chez Carrefour, nous pensons que tout le monde a droit au meilleur. Oui, même ceux qui aiment savourer doublement, une bonne triple. Alors jusqu'au lundi 19 novembre, dans tous les magasins Carrefour, les packs de 4 x 33 centilitres de lèvres triple au rituel 9 degrés sont en 1 plus 1 gratuit. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Vous avez un garage ? Dans ce cas, il est probablement rempli de vieux objets inutiles. Une roue de vélo tordue, une poussette hors d'usage ou une balle de tennis déchirée. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que jusqu'au 31 octobre inclus lors des German Days Opel, à l'achat de votre nouvel Opel Corsa ou Astra, vous recevez une prime de reprise de 2 500 € pour tout ce qui roule. Une fois que vous serez débarrassé de tous ces objets inutiles, vous pourrez facilement garer dans votre garage votre nouvelle voiture allemande de très grande classe. Rendez-vous vite dans votre showroom Opel. Du 25 octobre au 4 novembre, c'est les Crazy Days chez Manier Luxus. Ils font jusqu'à 50% sur une sélection d'articles et de chaussures. Ouh, j'ai peur que ma femme la prenne. Chérie, tu sais ce qu'elle m'a dit, la voisine ? Ça y est, elle a appris. Chaussures Manier Luxus. Alors, joyeux ? Conditions sur manierluxus.be. Si la curiosité n'existait pas, vous n'auriez jamais été tenté de tout acheter à la Fnac. Oh, il paraît que ce bouquin est génial. Et l'enceinte Bluetooth, là, le son est dingue. Et ça, le design est top, j'adore. Et sans curiosité, vous n'auriez jamais profité de tous ces achats avec des réductions allant jusqu'à 30% pendant les jours Fnac. Fnac, libérez votre curiosité. Offre soumise à condition. Passez chez Anne Sanders maintenant et recevez les verres gratuits à l'achat de vos montures. Cette offre est encore valable pendant 2 jours. Anne Sanders, l'opticien pas comme les autres. Ah, c'est sympa d'inviter ton vieux père à dîner. Bah ouais. Je vois que t'aimes les bonnes choses authentiques, comme moi, du pain cuit sur pierre. Ah ouais, pas. Une bonne trappiste. Ta préférée. Mais alors pourquoi tout gâcher avec ce truc-là, fiston ? C'est du fromage, ça ? Bah pas, c'est. Enfin, c'est pas du herve. Oh, ça m'énerve quand y a pas de herve. Tiens, regarde, je t'ai apporté un fromage digne de ce nom. Du herve société. Pour une bonne table comme la tienne, c'est incontournable. Le fromage de herve. Carrément incontournable. Dans un petit instant sur Énergie, je vous explique comment repartir avec votre iPhone XR ce matin. C'est Orange Énergie qui vous régale. C'est les derniers. Hein. Il en reste plus que deux. Donc ouais. Voilà, pas passer à côté. Z qui arrive côté hit. Et là, on pense sur les routes, Aurélie. Il y a toujours cet accident sur le 40 à hauteur de Barchon en direction de l'Allemagne. Deux bandes de circulation sont bloquées. En direction de Bruxelles, pas mal de ralentissements à signaler. 33 minutes de perdu sur le 40 entre Everlée, Woluwe et Saint-Etienne. Sur le 411, comptez 42 minutes en plus entre Overijse et Oderghem. Sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Oulart, vous perdez 43 minutes. Au sud du pays, il y a aussi des ralentissements comme tous les jours sur le 411, ajoutez 31 minutes entre Stockholm et Sterpenich. Tell me, babe, are you happy now? 8h24 sur Énergie, bonne matinée, en bon jeudi avec nous ce matin. J'espère que tout va bien, c'est une émission chargée en émotions depuis 6h, je vous le dis. Ouais. Entre le dossier de Frisco avec le quiz de la dignité. Non mais je vous conseille de pas aller voir de toute façon. Arrête. Faut pas aller voir, on dirait un Mexicain sorti de prison. J'aime beaucoup les commentaires, il y en a un qui a mis les tacos, ils sont à combien? Il y a Paul sur le Facebook, le groupe Facebook, les Fifous du 6-9 sur Énergie qui met Frisco avant qu'il rencontre la nourriture, parce que lui j'avais un peu 20 kilos en moins. Merci Paul. Là. On nous dit, je trouve qu'il a un petit air de Bruel. C'est Joachim qui nous dit ça sur l'Instagram. C'est vrai. Mais Bruel dans sa jeunesse. Ah, Bruel. Bruel. Bruel. Bruel. On nous dit ça va, je m'attendais à pire, nous dit Miguel. Bon, ouais, j'écoutais, voilà. Allez voir la photo, on vous l'a mis. C'est les fifous du 6-9 sur Énergie, que ce soit sur Facebook et Instagram. Vous allez voir un beau Frisco comme jamais vous l'avez vu. Et puis vous verrez aussi, après, on a fait le défi ce matin à l'occasion de la sortie du film Casse-Noisette et les 4 Royaumes. On vous offre vos places de ciné. Il suffit d'aller commenter la vidéo tout simplement sur le Facebook et on vous file les places de ciné tout simplement. Vous allez mettre un petit commentaire. Un petit flocon de neige, ouais, juste un petit flocon de neige. Un petit émoticône flocon de neige. Un défi bonhomme de neige ce matin et l'équipe m'a complètement enneigé la tronche. Ah là, c'était super drôle quand même. Je sais pas si c'était drôle, mais. Ah si, c'était drôle. Pour nous, c'était très drôle. Allez, quoi. Moi, je suis pas bien parce que je dois retourner chez moi pour me doucher, me changer, tout. Je suis. Et d'une belle journée. Voici Amir sur Énergie, bienvenue. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux draps, si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison. Cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fous. Je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Que ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Vous voulez du cadeau ce matin ? On a du beau cadeau. Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. Allez, faites vite, envoyez votre petit message maintenant. C'est le mot code phone qu'il faut envoyer par SMS au 6018. C'est Énergie Orange qui vous régale. Vous l'aurez demain avant tout le monde. L'iPhone XR, un bijou, vraiment. Il est magnifique ce téléphone. Ouais. Il coûte bonbon, on va pas se mentir. Il est quand même pas donné. Mais nous, on vous l'offre ce matin. 1€ le message envoyé et reçu. C'est pas cher payé pour un iPhone. Ouais, d'accord. Vous envoyez phone dès maintenant au 6018. Bonne chance. Big Snoop Dogg, you know we about to make moves. You dig? I walk in the club like a million bucks. First I hit the bar for a couple of shots. Wink at the beautiful women, I think I'm making them blush. Then I spill my drink trying to cover it up. Got the dad dance moves, staying ready for them. Got the Batman groove, go steady on them. Hey, senorita in a beautiful dress. Do you wanna dance? She's telling me yes. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. It's your moves, baby. 'Cause I can't dance in the way that you do. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. Slow down! DJ, play that track, checking my kung fu kicks like I'm under attack. I wave my arms like this from front to back, but you never seen a bad mother dance like that. Then you beckon me in with a kiss on the lips, jump into the middle, come and wiggle your hips. My love, take my hand, I'll give you a spin. Step one, step twice, let the party begin. I got confidence in myself, but that's just tequila giving me help. Trying to cover it up so you never tell. I feel like dancing with you. See what I come to find. It's your moves, baby. You do. 'Cause I can't dance in the way that you do. Yeah. But I got that love that you ain't used to. Hey. And when the DJ's spinning that song that we grew to, oh my, come and teach me how to dance. It's your moves, dance to the rhythm of the odor. 'Cause I can't dance in the way that you do. The odor. And when the DJ's spinning that song that we grew to, you know we about to make moves. Come and teach me how to dance. You did. Cora, la grande poupée princesse Disney, est à 19,95€. Qui a dit que les princesses étaient inaccessibles? Des prix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. 8h31 sur Énergie. Dans un petit instant, c'est Dinoro qui va arriver. On a les sondages du jeudi pour vous aussi. Avant ça, l'info et là, la météo. Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on aura quelques nuages, de timides éclaircies, des températures entre 10 et 14 degrés. Aurélie Adam pour nous informer sur l'actu de ce jeudi 25 octobre. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Vous risquez de croiser pas mal d'enfants dans les rues dans quelques jours. Le 31 octobre, ça sera Halloween. Les enfants feront du porte-à-porte pour avoir des bonbons. L'Institut Vias rappelle que le 31 octobre est le jour le plus dangereux pour les enfants. Il demande aux parents de rappeler les conseils de prudence, comme s'arrêter avant de traverser. Vias donne aussi quelques conseils, parmi eux faire un trottoir à la fois et avoir des éléments réfléchissants sur son costume. Préférez aussi le maquillage au masque, ça permet aux enfants de mieux voir et entendre la circulation. L'Institut Vias demande par ailleurs aux automobilistes d'être vigilants, notamment en sortant de leur garage. Dans le dossier Mesdag, direction et syndicats ont passé la nuit à négocier. La réunion était toujours en cours à 6h du matin. Les deux parties tentent de trouver un accord suite à l'annonce de restructuration en mai dernier. Ce qui coince surtout, c'est l'hyper-polyvalence demandée aux travailleurs. Rappelons qu'un préavis de grève a été déposé. Les magasins pourraient être fermés entre aujourd'hui et samedi. Tout se passe bien au 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve. La 41e édition a débuté hier en début d'après-midi. Aucun gros incident n'est à déplorer. Rappelons que 82 équipes ont pris le départ cette année. On passe au sport en football. Bruges a pris son tout premier point hier lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Les Brugeois ont fini sur un partage 1-1 face à Monaco. Et puis on entame la 3e journée de la phase de groupe de l'Europa League ce soir. Anderlecht accueille Fenerbahçe. Ça sera à 18h55. Le 6-9 sur Énergie. Enfin une crèche qui a de la gueule. Mais merci beaucoup, dis donc. Mais c'est vrai, des grands enfants qui s'amusent, c'est comme ça tous les matins, 6h, 9h, c'est le 6-9 d'énergie. Vous nous découvrez peut-être ce matin, soyez les bienvenus. Vous allez vous aussi devenir des fifous dans très peu de temps, et je vous le dis, ça c'est une certitude. Tout le monde est là, bonjour. Bonjour. Voici Dino, et juste après, c'est les sondages du jeudi. Dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from. The dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Sur énergie. Le nouveau Jason Derulo pour vous, 8h36. Voici les sondages du jeudi. Les sondages du jeudi, des petits chiffres que je vous donne, à vous de trouver de quoi il s'agit. Une femme sur quatre déteste ça chez un homme. Ah bah, son ventre. C'est physique, c'est ses pieds. C'est physique, c'est une particularité physique. Son ventre. Son ventre, c'est pas ça. Poils, les poils sur le dos. Les poils, tout court, le dos, là, partout. Une femme sur quatre déteste les poils chez un homme, ce que peux comprendre. Ah non. En même temps, c'est ce qui fait la particularité de l'homme aussi. C'est qu'elles sont bien contentes l'hiver, hein, ça tient chaud. Hein. Ah ouais. Ça gratte, ça chatouille. Il y a poils et poils. Hein, ouais, c'est ça. Il y a une limite à tout quand même. J'en connais, c'est des ours polaires. Et alors, Frisco, on pourrait croire qu'il est super poilu quand on voit comme ça. Le mec, il est imberbe. Il a trois poils sur le torse. Il n'a pas un poil sur le torse. Mais rien du tout. On dirait un gosse de 12 ans. C'est marrant. J'ai deux poils et demi qui se battent en duel. Et pourtant, génial. Quand on voit ta tête, on dirait un yéti. Hein. Bah, j'ai de la barbe, j'ai des longs cheveux. Enfin, j'ai des cheveux. Ouais. Mais non, je ne suis pas poilu. Non, il est imberbe. 9% des couples dans le monde entier, 9% des couples ont un point commun. À votre avis, quoi? Les couples, enfin l'homme et la femme, ou ouais. Tu veux dire tous les couples ont un commun entre eux? Et tous ces couples-là ont un point commun. 9% des couples dans le monde ont un point commun. Lequel, à votre avis? Je sais pas. Ils s'aiment pas vraiment. Ils sont ensemble, mais ils s'aiment pas vraiment. Ça, c'est plus de 9%, ça. Aurélie de la Reda, qui dit des? Non? Oh, c'est compliqué. 9%? 9% ouais, des couples chaud, hein. Dans le monde ont un point commun. Et alors, je vous donne un petit indice. C'est pas une particularité physique, c'est plus en rapport avec. Ils s'engueulent sur la place du lit. Qui va à droite, qui va à gauche? Ah ouais, pas mal. Ça. Grand débat, ça. Grand débat. Mais ouais. 9% des couples, vous n'avez pas trouvé, je vais vous le donner parce qu'il est assez compliqué, mais c'est assez hallucinant. 9% des couples dans le monde ont un point commun, ils ont le même prénom. Mais non, c'est génial. Ah, tu veux dire la fille et le garçon? Ouais. C'est genre Manuel et Manuel. Raphaël. Ouais, ou Frédéric, quoi. Frédéric et Frédéric, tu vois. Ou... Frédéric au carré. Frédéric au carré. Par contre, si tu t'appelles Marco et que ta femme s'appelle Marco, il faut se poser des questions. Non, ma femme s'appelle Maurice. Eh, je fais ce que je veux. Hein. Je l'aime. Si je veux sortir avec une Marcotte, il n'y a pas de. Enfin, oui. Marco, il n'y a pas de souci. Ou un Marco, même. C'est vrai. Voilà. C'est vrai que ça doit être bizarre pour s'appeler pour manger. Marco, oui. Oh, mais je me parle à moi-même, non. Fred, à table. Oui, Fred. Ok, Fred. Ouais, Fred. Ouais. C'est génial. Enfin, quoi, je crois que quand tu t'appelles Frédéric au féminin, je suis pas sûr qu'on te dise Fred comme diminutif. Bah, pourquoi pas? Ouais, aussi, oui, c'est Fred. Vrai. Oui, pourquoi pas? C'est vrai. Pourquoi pas. Voilà, 9% des couples ont le même prénom dans le monde. C'est hallucinant quand même. Ah, je savais pas. Et on finit avec le petit pourcentage pour ton pétade. Belge. 7% des Belges en ont au moins une chez eux. À votre avis, de quoi il s'agit? Une femme de ménage? Non. Je vous donne un indice, c'est une, donc c'est féminin. C'est un objet ? C'est pas un objet. 7% des Belges en ont au moins une chez eux. C'est pas un objet. C'est pas un objet ? Non, c'est pas une machine. C'est pas une machine non plus. Une gosse. Non, c'est pas un être humain non plus. C'est quoi ? C'est un animal ? Un animal. Ouais. Un animal ? Ouais. Une perruche. Non. Poule. Une poule. Ah, 7% allez. Des Belges ont au moins une poule chez eux. C'est pas beaucoup, 7%. Et je parle pas de madame, je parle vraiment de la poule. Une poule, c'est hallucinant. Ouais. C'est mon rêve absolu, ça. D'avoir une poule, je vous jure. Pour le matin, aller chercher les petits œufs frais. T'inquiète pas qu'au mois de novembre, t'es pas content d'aller chercher les petits œufs frais. Quand il pleut, vrai. Qu'il fait moins 2. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Et ben voilà. Qui a une poule ici dans l'équipe, Aurélie, non ? Pas de poule ? Non, j'ai un chien. Ah d'accord. Toi, t'as des poules ? Pas dans mon appartement. Hein. Ah, mon papa a des poules. C'est vrai ? Ouais. Et ben voilà, il fait partie des 7%. Moi, c'est ma voisine, elle a Peridaïsa chez elle. Elle monte. Je te jure. Des fois, j'ai l'impression en été qu'il y avait la girafe qui allait venir bouffer au-dessus de sa clôture, tu vois. Incroyable, je te jure. Elle donne aussi des noms à ses poules ? Je sais pas, mais elle a. Parce que mon père, il donne des noms à ses poules. Hein. Elle a Wishiwawa, il me saoule, ils arrêtent pas de gueuler, ça me saoule. C'est quoi, c'est Rififi, Fifi, Loulou ? Non, c'est Caroline, puis il y en a une qui est décédée. Ah, super, mais c'est super joli. Mais sa préférée, Caroline, elle est toujours vivante. Ah là là, bon. Il les reconnaît et tout ? Ouais. Et alors, il leur parle comme un gosse. Bonjour, les filles. Bonjour. On rappelle, c'est le père de Jérém qui parle à ses poules. Hein. Ouais, c'est ça. Normal. Va bien. 8h40, Jason Derulo, maintenant, on vous offre l'iPhone XR ce matin aussi, restez là. Et du Game Song qui va arriver dans un petit instant. Ah, j'aime bien ce jeu. Ah, j'adore aussi. Tremble. Yeah. écoute ça dans un petit instant sur Énergie. J'étais le Dan, Dan, Dan. Et vous allez d'ailleurs pouvoir voter pour Vita et Slimane puisqu'ils sont nommés au Energy Music Awards tous les deux. Energy Music Awards. Embarquez pour Cannes pour vivre les Energy Music Awards 2018. Ah oui, allez voter, c'est un vote par jour, energy.be pour Vita ou Slimane. Ils sont nommés chacun dans leur catégorie. Hein. Slimane dans l'artiste masculin francophone de l'année et Vita, elle est aux côtés de Claudio Capeo pour le duo francophone de l'année. C'est jouable. Ouais, avec l'artiste Claudio Capeo qui sera notre invité d'ailleurs demain les copains. C'est chouette. Plus de ça, vous avez peut-être la chance d'embarquer pour partir à Cannes au Energy Music Awards. C'est le cadeau qu'on vous offre cette semaine. Il suffit d'aller vous inscrire à l'application Energy Belgique ou alors sur energy.be. Et il faut retenir cette phrase, notez-la sur un post-it, un petit coin de table. Attention, on ouvre les guillemets. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. C'est la phrase énergie, on vous appelle, vous la répétez, vous repartez avec le transport, le logement et vos deux invitations pour assister à la cérémonie Energy Music Awards à Cannes le 10 novembre prochain avec Lou qui sera là évidemment. C'est un truc de dingue. Hein. Et c'est les 20 ans. Ouais. Donc, ah oui, donc à mon avis ils vont faire un gros bazar. J'espère. Quoi. Franchement j'espère de tout cœur qu'ils vont nous faire une cérémonie de dingue, qu'on reverra Cavana, qu'on reverra tout cela. Mais déjà de toute façon même à la 18e, 19e ou 17e c'est toujours des cérémonies de dingue. Ils mettent le paquet. Voilà. Ils mettent le paquet. Ils gèrent. Ouais, ils ont de la thune en fait. Ouais, c'est ça. ça sera en effet en direct sur TF1 le 10 novembre à Cannes prochain. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ! Assistez à la soirée événement. Partez à Cannes, assistez au Energy Music Awards avec la phrase Energy. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Energy Belgique ou sur energy.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Energy. Je veux assister au Energy Music Awards à Cannes. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes. Energy. Hit music only. Parfois, quand on sert des légumes aux enfants, c'est un peu... à croire qu'ils ont vu un fantomate ou un loup-carotte. C'est pourquoi Deleuze présente les Halloweenies. Six peluches délicieusement effrayantes pour donner envie de fruits et légumes. Du 25 au 31 octobre dans votre Deleuze. Dépêchez-vous, c'est maintenant ou jamais. Deleuze, du côté de la vraie vie. Appelez votre fille en vitesse entre deux réunions. Ça vous prendra bien 5 minutes. Oui, ma chérie, c'est moi, t'es bien rentrée. Comment ça, tu n'es pas à la maison ? Savoir si vous pouvez payer votre assurance auto moins cher ne vous prendra dès maintenant que 5 minutes. Faites le test sur touringassurance.be. L'assurance auto est un produit de Touring Assurance SA. Limites et conditions sur touringassurance.be. 51,4% des Belges rêvent d'avoir ce petit plus dans leur cuisine idéale. C'est pourquoi Ixina vous offre jusqu'à 3000 euros sur votre cuisine. Plus d'infos sur Ixina.be. Ixina. Dreamland présente ses actions incroyables, les Dream Deals. Jusqu'au 1er novembre, il y a 15% de réduction sur tous les jouets à partir de 50 euros d'achat. En magasin et sur dreamland.be. Des super réductions et des super jouets, ça c'est un deal. Tout est en jouant. Conditions sur dreamland.be. Chez O'Green, laissez-vous surprendre par la magie de l'automne. Les nouvelles collections, tout aussi splendides les unes que les autres, aiguiront votre intérieur et votre jardin. Il y a aussi comme un vent d'hiver. Le marché de Noël vient d'ouvrir ses portes, il est féerique et magique. Je pense que je vais aller y chercher une inspiration. Nos magasins sont ouverts 7 jours sur 7. O'Green.be. Gagnez un an d'énergie verte. Mettez vos piles usagées dans le sachet Bébat que vous recevez cette semaine dans votre boîte aux lettres et rapportez-le à un point de collecte Bébat. Bébat. Allô papa, tu viens toujours manger ce soir ? Il y aura de la compote materne avec de beaux morceaux. Pas cette fois. Ah, de la mousseline materne alors, bien onctueuse. Non plus. Ah, en fait j'ai aquagé mais... Mais j'ai la nouvelle granité materne, onctueuse et avec des mini morceaux de pommes. J'arrive ! Nouveau, granité materne, la nouvelle sensation pomme. Merci les fruits. Merci materne. Tu vois ces prairies vallonnées ? Ouais, pas. C'est le pays de Herve. Et je te présente Rosalie, une vache élevée à Herve, qui broute de l'herbe de Herve, qui fait du lait de Herve, avec lequel on fait du... Bah du Herve. Ah bah voilà. Le seul fromage belge couronné d'une appellation d'origine protégée. Tiens, goûte-moi ça. Mmh. Hein ? Quoi ? Ah, je crois que tu t'es fait une nouvelle copine. Le fromage de Herve, carrément incontournable, avec le soutien de l'APACW. Vita Slimane à suivre côté hit, on se fait un petit game song aussi. Vous savez, c'est le truc où on enlève un mot dans la chanson qu'on remplace par un bruit de chien. Ah oui.

énergie. Mais oui que je te le donne. Je te le donne l'iPhone XR. Enfin, je te le donne. Il faut quand même payer 2€. C'est le prix du message envoyé et reçu. C'est Phone qu'il faut envoyer. Il vous reste vraiment quelques minutes. Dernière chance maintenant pour choper l'avant-dernier. Et vous venez le chercher demain, ouais, en primeur, avant tout le monde. Avant la sortie du GSM, vous l'aurez dans vos mains. Avant tout le monde, vous allez pouvoir le découvrir, l'allumer avant le monde, ouais, entier. Merci Orange. Hein. Et merci Orange, évidemment. Merci Énergie. Phone par SMS au 78 60 18 6 0 1 8. Le mot code phone que Jérém Sarin de faire, tu ne peux pas jouer. Non, je regardais autre chose. Ah d'accord, parce que je te vois GSM à la main. Non, je regardais la photo de Frisco. Je m'en lasse pas. Phone par SMS au 78 pour vous inscrire. On prend le gagnant dans quelques minutes. Alvaro Soler qui arrive pour la suite des hits. Et nous allons jouer ce matin avec Fabrice qui vient jouer au Game Song. Oui, Fabrice qui travaille comme policier du côté de Sambreville, donc attention à vous. Il est marié, il a deux enfants, Frédéric et Alessia, et puis il aime la course à pied qu'il pratique deux fois par semaine. Ah bien. Oui. Hein. Oh, sportif. Bah, bonjour Fabrice. Oui, bonjour à vous. Bonjour. Fabrice est sportif. Eh oui, bah, pas comme nous, voilà. Voilà. Sois le bienvenu. Ouais, oui. Il y a un début à tout, hein. Il suffit de vous y mettre. On a essayé de s'y mettre, hein, et après, voilà, on a fait 6 mètres. Ah oui, 6 mètres, c'est ça. En fait, pour tout te dire, Fabrice, nous sommes allés au sport, mais le sport ne veut pas de nous. Voilà. Surtout de toi. Oui, il ne veut pas venir à nous, le sport. Voilà, c'est comme ça. Fabrice, on joue ce matin pour tenter de t'offrir du beau cadeau. On le souhaite. On va jouer au Game Song. Game Song, c'est simple, un petit extrait musical. Et tu vas voir, dedans, il manque un mot. C'est des chansons très connues, mais il manque un mot. Et à toi de nous dire le mot qui manque, qu'il a été remplacé par des bruits d'animaux. C'est toujours très drôle. Tu es prêt, mon Fabrice ? Eh bien oui, je vous écoute, j'écoute. Allez, on y va. Voici le premier extrait. Tu me demandes comment... J'en peux plus. Fabrice, une petite idée. C'était Claudio Capéo qui sera avec nous demain d'ailleurs. Alors, c'est quoi le mot qui manque? Ça va, ça va. Ça va, ça va. Coussi, coussa. On écoute. Tu me demandes comment ça va, ça va, ça va sur ma planète. Fabrice, Claudio Capéo qui sera notre invité Aurélie demain. Aurélie, elle pleure. Pour l'émission publique. On lui fera écouter, je sais pas s'il va kiffer. Claudio Capéo qui sera avec nous demain pour la spéciale en public. Fabrice, voici le deuxième extrait. Et pour l'instant, un point. Il est bien parti, Fabrice. Oui. Celui-là va me faire rire d'avance. Semblant de se suivre, je ne veux plus que le. Je ne veux plus que le. Tourne autour de toi. Je ne veux plus que le. Tourne autour de toi. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux plus que le. Alors, c'est un peu court, hein. À ton avis, quel est le mot qui manque, Fabrice? Ah, bah écoute, c'est pas facile. L'animal avait vraiment une voix assez forte. Mais je dirais doute. Doute? Oui. Doute, on écoute, parce que j'ai un doute. Semblant de se suivre, je ne veux plus que le monde. C'était le monde. Plus que le monde. Eh ouais, le monde, c'était le monde. C'est vrai que la vache, elle n'articulait pas bien. Mais ouais, elle avait un truc dans la bouche, c'est normal, on doit avaler avant. Il y a Aurélie qui est en pleurs. Pleurs de rire, hein. J'adore. Allez, le petit dernier, Fabrice. Oh, ça c'est vieux ça, Pauline. Oh ouais. Là, dis donc. Attention, on écoute, il manque un mot. À toi de l'en trouver, c'est le Game Song. Dire que j'étais amoureux d'elle. Allez, ouais, c'est vrai. Tu te rappelles, Aurélie? Ah, je me souviens, ouais. Ça a été très loin avec la mer et tout. Non, mais vrai, quoi. Ouais, parce qu'elle venait pas loin de chez moi et tout, donc. Mais non. Un peu plus. C'est quoi la radio et tout, ouais. On avait essayé d'arranger les bidons, mais ça n'a pas fonctionné. Avec la mer. J'espère que tu le regrettes, Pauline, parce que tu n'existes plus maintenant. Avec la voix de chèvre ou sans la voix de chèvre? Non. Bah, c'est, elle est très, très jolie et très gentille, vraiment adorable. Ah, donc t'as été vraiment loin, quoi. Ah ouais, enfin loin. Voilà. En mode psychopathe. Ouais. Je suis fait recaler, mon pote. Hein, voilà, mais bon. Ah, c'est elle qui t'a recalé? Oui, gentiment, mais sûrement. Alors, à ton avis, c'est quoi le mot qu'on cherche? Je dirais le monde. Le monde. Ouais, on n'a pas bien fait ça. Hein. On a pris deux chansons, c'est le même mot. Oui, je viens de remarquer. J'avoue. Mais oui, j'avoue. Allô le monde. Allô Popo. Allô le monde. Eh Pauline, c'est dommage, faut que tu refasses un truc, Pauline, parce que j'aimais bien moi ce qu'elle faisait. Ah ouais. Il y a un petit côté de Jennifer, hein, quand même. Moi, je crois que c'était Jennifer. Tu veux surtout la revoir. Et je veux surtout la revoir, ouais, clairement. Et alors, je vous jure, elle jouait du piano comme une déesse. En fait, c'était ça mon kiff, je crois. J'aurais voulu être sur le piano à queue et qu'elle me joue un truc, et puis... Non, à queue, tu connais pas les pianos bah, à queue. Si, je connais, je d'accord. Piano aussi. Ça m'a fait peur, si tu me regardes du genre, c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, Fabrice, j'ai envie de te dire, avec deux bonnes réponses, on va pas chipoter, on va pas tergiverser, on va pas... Ah, voilà. Mais j'ai inventé des mots. Tergiverser, c'est comme tergiverser, mais avec un feu sur la langue. Fais-toi de moi, toi, tergiverser, c'est super sympa. C'est gagné, Fabrice. Bravo, Fabrice. Oui, je t'écoute. Bravo le commissaire. Bravo à toi, c'est gagné Fabrice. On t'envoie du cadeau à la maison. Et puis bah tu reviens quand tu veux Fabrice. C'est Tiffany qui va régler ça avec toi, ça va? Ok, sans souci, merci beaucoup. Et je vous remercie pour la bonne humeur que vous mettez tous les matins sur la radio. Ah, merci, c'est gentil. Merci à toi de nous écouter, Fabrice. On vous embrasse. Vraiment, merci d'être là, les filles. Merci à vous. Belle journée, Fabrice, à bientôt. Merci vous aussi, au revoir. Bisous, bisous. Bisous. Et garde le numéro de Fabrice, j'ai des trois contraventions à faire sauter. Voilà, c'est Alvaro Soler qui arrive maintenant sur Énergie. Et juste après, on vous offre l'iPhone XR pour chez vous et place à Tanguy. Staca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Mi cintura, cintura. Mi cintura, cintura. Bon les gars, je vous dis, ma journée était gayée. J'ai retrouvé Pauline d'Allo Le Monde sur Instagram. On va renouer le lien, ma popo. Et je te signale que t'es casé, Marco. Ouais, bon, ça, tout ce qui est casable est décasable. Hein. Hier, tu m'as fait la même réflexion, tu te calmes. Je plaisante, j'aime trop ma femme que pour faire quoi que ce soit. Bah ben, oui, on est d'accord. On peut quand même passer une petite soirée, ça ne veut pas dire que... Hein. Ah, je l'ai trouvé aussi, je la rajoute, tiens. Oh là là là là là là là. Bon, on offre cet iPhone, pardon. S'il vous plaît. Oh, ma chérie, va voir l'Instagram de Pauline. Je trouve que tu devrais t'habiller pareil. À qui tu parles, à Aurélie? Non, ma femme, à Aurélie. Ah, pardon, j'avais pas compris. Attends, elle va semer le doute dans toute la Belgique, là. Ne mets pas des rumeurs en route, toi, Théo. Je veux pas des problèmes avec son mec, c'est surtout ça. Je vais me faire attendre à la sortie, après, il y aura des soucis. Surtout que c'est notre anniversaire aujourd'hui. Alors c'est vrai. C'est mignon, ça. Mais tu nous as pas dit. Avec ton homme? Ça fait 10 ans. Non. Si. Non, là tu mets happy birthday. We sing happy birthday to you. Fais-lui une déclaration. Ouais, c'est regarde, elle va chialer. Elle va faire Et ça fait 10 ans, sérieux? Ça fait déjà 10 ans, ouais. Oh, ça veut dire que ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, alors chouchou. Ouais. Et vous faites encore quête-quête? Mais du coup! Quoi, ça c'est cagnotte, ça. Ah, oui, non, pourquoi? Si, c'est cagnotte. Non, c'est la curiosité. Je veux savoir. Mais on n'est pas des vieux non plus. Mais non, après 10 ans, je voulais savoir. Curiosité. Et toi, déjà après 5 ans, tu fais plus rien. Donc. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Vous gagnez l'iPhone XR avant tout le monde grâce à Énergie. Juste pas le mercredi parce qu'il y a foot. Tanguy qui arrive dans un instant pour vous servir. Bonjour. Bonjour tout le monde. Oh, on a coupé court aujourd'hui, dis donc. On a coupé les cheveux. Elle en a profité. Il y a une photo, quoi. Il y a une vidéo, il y a un truc. Hein. Non, pas du tout, mais j'avais congé hier après-midi, alors voilà. Un petit coiffeur. Il est vachement beau, BG comme ça. Ah, hein. Beau gosse. Hein. Même moi, je craquerais. Franchement, donne-moi ta main. Sur une échelle de 1 à 10, le gars, on lui met 12. Hein, sans déconner. Ouais. C'est horrible, quoi. Vraiment l'image que vous me faites. Tanguy qui arrive pour votre playlist partagée dans un petit instant. On vous laisse avec l'iPhone XR à vous offrir quand même. Avant, on appelle. C'est parti. iPhone XR à gagner tous les jours. Demain, le dernier. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs, demain sera le dernier qu'on vous offre. Vous l'avez avant tout le monde, c'est Orange qui nous régale et qui va amener ça demain. Il suffit d'envoyer le mot code phone par SMS 6 0 8. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Nathalie. Merci. Attends. Ah, j'ai compris. Ah, t'as raccroché, dommage. Oui. Fallait la dégoûter encore plus en disant, Nathalie, c'est dommage. Vous savez quoi, les copains? Il vous reste maintenant exactement moins d'une minute. Une minute top chrono maintenant, phone par SMS au 6018. Vous envoyez ça tout de suite. On va appeler le gagnant dans un petit instant. Phone au 78. Phone au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Qu'est-ce que c'est que ça? Remets la musique. Nathalie, malheureusement, est passée à côté d'un iPhone XR ce matin dans le 6-9. Elle est dans sa voiture et malheureusement, elle n'avait pas de réseau. Vous êtes malade. Nathalie va être troublée toute sa vie. Phone par SMS au 78. Allez, il vous reste vraiment 30 secondes. Je vous laisse encore 30 secondes. Il est 9h05. À 9h06, on appelle. Parce que quand même, on va pas laisser l'antenne à 10h non plus à Tanguy. Mais oui. Surtout qu'il y a la playlist partagée aussi, On est en retard tous les jours. Ouais, c'est pas grave. Allez, encore 20 secondes. Phone au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Faites-vous plaisir, les fifous. C'est maintenant à prendre ou à laisser. Tic, tac, tic, tac. Tic, tac, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Bonne année. 5. Allez, c'est parti, on rappelle. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, bah oui, ça forcément. Nathalie, désolé ma chérie, mais il faut répondre. Hein. C'est la règle fondamentale de ce jeu fil rouge qu'on fait tous les jours avec vous. C'est quand on vous appelle à 9h, faut décrocher. Oh. Allô, bonjour. Bonjour. C'est comment ton prénom? Adeline. Adeline. Adeline, c'est ça? Oui. Adeline. Je veux te le dire, tu es passé à ça, mais à un cheveu de ne rien gagner. Oui, et pourtant, la chance est avec toi ce matin, Adeline. Tu repars avec l'iPhone XR. Bravo, Adeline. Et tu peux dire un grand merci à Nathalie surtout aussi. Ah oui, merci Nathalie. Pauvre Nathalie, elle va être dégoûtée à vie. Hashtag Nathalie. Dégoûtée à vie. Là, c'est clair. Et bon, en tout cas, Adeline, bravo, c'est pour toi l'iPhone. On t'embrasse bien fort. Et du coup, tu seras là demain avec nous dans l'émission publique pour venir le récupérer. Ça va? Ça va. Gros bisous, bisous à toi, à demain Nathalie. Adeline, bisous les fifous. Oui. Ah, et ben dis donc, ça a été une émission riche en émotions aujourd'hui, je vous le dis. Ouais. Ah ouais, on finit tard. Entre le dossier de Frisco, allez voir la photo. Mais non, mais il me montre Pauline sur Instagram. Je perds mes moyens, moi, les gars. Allô, le monde. Allez voir la photo de Frisco. Non, allez pas voir. Que tu vivras ta vie sans aucun souci. Sur l'énergie, à couleur de tata. Allez pas voir ma photo. allez voir la photo. Dossier de Frisco, c'est les fifous du 6-9 sur Énergie pour en trouver tout simplement. Il y a aussi la vidéo défi bonhomme de neige. Oui, pour gagner 4 places pour Casse-Noisette. Ouais, Casse-Noisette, les 4 au royaume. On a fait un défi, il fallait se mettre en bonhomme de neige et c'est tombé sur moi. Voilà. Ouais. Ça ressemble plus à un Yeti qu'un bonhomme de neige. Je dis, allez voir ça. Oh. On vous souhaite une excellente journée. Attends, ouais. Mais demain, donc c'est l'émission publique, il y a Claudio Capéo. Monsieur, hey. Demain, Claudio Capéo, émission en public, on sera là dès 6h. Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. C'est le 6-9 qui vient te réveiller. Maman, papa, je dois vous parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. 3 places. J'ai décidé, je pars un an pour faire le tour du monde. 2 places. Mais vous inquiétez pas, j'ai loué ma chambre à un ami. 3 places. C'est un original, il a 2 pitons. Madame, monsieur. 5 places. Bah, où est-ce qu'ils sont ? Place à l'inattendu, avec les canapés et convertibles de IKEA. Maintenant, avec 10% de réduction. Plus d'infos sur IKEA.be. IKEA, à chaque jour, c'est plaisir. And you're listening to... Énergie. J'ai une petite question pour vous ce matin. Si vous deviez choisir 5 titres, ce seraient lesquels ? Faites-vous plaisir, hein. 5 titres au hasard. Si vous avez ces 5 titres en tête, eh ben c'est parfait. Vous foncez maintenant sur énergie.be, faire votre playlist partagée et nous, on vous la diffuse sur Énergie. C'est ce qu'a fait Youssef. Hein. Alors, il a même laissé un message pour que tout le monde puisse en profiter. Ah, Youssef qui aime bien partager. Merci Youssef. Super sympa. Youssef qui a choisi Shakira, Eminem, Rihanna ou encore Jason Derulo. Mais on commence bien la playlist de Youssef. Voici Jessie J.